Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 29. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email à Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez aussi télécharger normalement, sauf problème technique, ça peut arriver. Récemment, on a eu 2-3 petits soucis techniques, mais normalement, ils sont disponibles, les numéros PDF des articles de la semaine. Si jamais il y a un empêchement, toutes nos excuses, c'est malheureusement indépendant de notre volonté. Il peut y avoir des petits cafouillages ici et là, mais d'une manière générale, ils sont disponibles. J'en profite maintenant pour remercier nos donateurs, en tout cas ceux qui ont bien voulu se signaler à Démocratie Participative, notamment Ludo qui nous dit ceci. Salut à tous, un grand merci à toute l'équipe pour votre travail, c'est un immense plaisir de vous lire et de vous écouter. Je vous apporte ma participation financière mensuelle, bonne continuation. Merci à toi Ludo, merci de nous écouter. On a aussi un autre donateur qui est connu, c'est Salade de Fruits, qui nous a signalé son don mensuel. Donc, il est possible que j'en ai omis. N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on vous remercie à l'antenne, simplement, comme ça, pour le geste. Mais si vous voulez nous faire des dons, comme vous le savez, exclusivement en crypto-monnaie, vous pouvez faire bien sûr en Bitcoin, mais nous recommandons l'usage de Monero, dont l'avantage est de garantir l'anonymat total de celui qui fait le don, ainsi que du montant de la transaction. Pour ceux qui sont déjà familiarisés avec le Bitcoin, en fait, c'est juste une petite étape supplémentaire pour pouvoir le faire en Monero, mais c'est, selon nous, à Démocratie Participative, une mesure qu'il est vraiment préférable dans les mois à venir d'adopter. Parce que, comme vous le savez, et d'ailleurs c'est pour tout type d'initiatives où vous voulez un petit peu échapper à la police politique qui est de plus en plus agressive, le terme n'est pas trop fort, hein, police politique, la DILCRA, donc, qui est le département spécial du gouvernement français pour réprimer toute action politique qui est suspecte aux yeux de ceux qui contrôlent le gouvernement, bon, pas besoin de les nommer, vous les connaissez, il faut prendre des mesures de prévention, notamment garantir absolument votre anonymat. Alors, en revanche, il y a un interdit total que je vous communique, n'utilisez aucune plateforme d'acquisition de Bitcoin et ensuite de versement de Bitcoin, enfin de portefeuille en ligne Bitcoin, n'utilisez pas de portefeuille dont les sociétés sont situées en France. Vérifiez que la société qui gère votre portefeuille Bitcoin n'a pas son siège social en France. Ces gens vont donner vos informations aux autorités. Peu importe ce que vous faites avec votre crypto-monnaie, si vous utilisez des crypto-monnaies, il y a peut-être des dons que vous faites ici ou là à différents groupes, organisations, que sais-je. Vous n'avez pas nécessairement envie que les autorités sachent ce que vous faites avec. Ça ne veut pas dire que c'est illégal, vous n'avez simplement pas envie que les gens sachent ce que vous faites avec votre... Enfin, les gens, que les autorités sachent ce que vous faites avec votre argent. Donc, soyez prudents, ne recourez pas aux services de plateformes qui sont situées en France. Ça, c'est interdit total. Et le nec plus ultra, j'insiste, c'est Monero. Donc, si vous êtes déjà familier avec les crypto-monnaies, si vous êtes familier avec le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, que sais-je. Monero, c'est un degré supplémentaire et une sécurité totale pour l'avenir, c'est indispensable. Et d'ailleurs, si vous, de votre côté, vous prenez des initiatives, je sais pas, moi, vous êtes un vidéaste, imaginons ça, un vidéaste sur un réseau social quelconque, peut-être encore êtes-vous sur YouTube, je ne sais pas, ou sur Dailymotion, peut-être, sur VK, je ne sais pas. Mais si vous êtes un vidéaste, familiarisez votre public avec non seulement les crypto-monnaies, mais aussi Monero. Peut-être que d'autres monnaies tout aussi sûres ou plus encore viendront, mais Monero, c'est vraiment garanti. Donc j'insiste vraiment, familiarisez-vous avec les crypto-monnaies pour votre usage personnel dans le futur, et familiarisez-vous avec Monero qui vous offre un anonymat total. L'anonymat, c'est votre sécurité face à un gouvernement qui veut vous détruire, nous détruire, pour des motifs, pour des raisons politiques. Faut pas tenter le diable. Faut pas tenter le diable. Voilà. Alors, si vous entendez des gens sur Internet qui disent « L'anonymat, on s'en fout. Ça n'a aucun... » Non, ces gens, vous... Non, n'écoutez pas ce type de propos. Les gens sont fous, sont des agents de quelque puissance, ou quelque intérêt que... Alors, il y a des ignorants. Il y a des ignorants, il y a des gens qui veulent du mal à d'autres, et puis il y a des agents provocateurs, effectivement, qui poussent à la faute. Voilà. Alors maintenant, je présente donc nos membres de la semaine. Après, excusez-moi, j'insiste lourdement sur ce point, mais c'est très important. Je présente maintenant nos membres de la semaine, et je vais commencer avec Derek, puisque tu as pris la parole, Derek. Oui, bah écoute, salut Gandalf, salut tous les éditeurs, et loué soit l'Éternègre. L'Éternel qui est en deuil cette semaine, surtout du côté de Rouen. C'est tout à fait. Rouen, Dieu troisième est, semaine, Dieu, c'est le Dieu grand chelem. Hein, oui, Rouen. Grand chelem. Très beau. Très beau. Étonnant. Le clown d'or pour Rouen. Il y a quelque chose. Très récemment, c'était Tours. Il y a beaucoup de trucs autour de Tours. Là c'est Rouen. Rouen, tout à fait. C'est là aussi où Jeanne d'Arc a été brûlée, me semble-t-il. Et présent avec nous cette semaine, Pierrot. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut à tous. MacDav est avec nous cette semaine aussi. Salut MacDav. Salut les amis, salut les juifs. Et Fulbert nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Fulb. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Fulbert, j'ai été particulièrement scandalisé par l'hommage rendu au traître Stauffenberg par les autorités allemandes, le gouvernement d'occupation allemand et les juifs. Qu'en penses-tu, Fulbert ? Partages-tu mon dégoût ? Ben, moi, je ne suis pas d'accord. On n'aurait jamais dû le fusiller, on aurait dû le pendre. Parce que les traîtres, normalement, c'est au bout d'une corde qui doit se balancer. C'est mon avis. Ouais, mais sais-tu pourquoi on l'a fusillé ? Pour trahison, pour avoir participé à l'attentat du 20 juillet. Sais-tu pourquoi ? 34. Tu sais pas pourquoi ? C'est parce que le général qui avait parti lié avec eux a voulu à la dernière minute retourner sa veste en voyant que le coup d'État avait raté et a donc essayé de faire disparaître les témoins gênants qui étaient les premiers protagonistes du coup. C'est pour ça qu'il les a fait fusiller très très vite dans la cour du quartier général de l'insurrection. Eh bien, je l'ignorais totalement, tu m'as appris quelque chose. Eh ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas été pendu. Mais sinon, tous les autres traîtres ont été arrêtés et dûment pendus avec des cordes à piano. C'est le Führer était un artiste, il faut bien le reconnaître. Oui, c'est vrai. À garder en mémoire pour d'autres traîtres et d'autres époques. Alors, commençons cette émission, messieurs. Commençons cette émission avec une précision. Nous avons une réponse d'une autre personne qui s'appelle aussi Ludo, comme quoi. Vous savez, on s'est interrogé sur une question, c'est l'expression « tu es une belle personne ». Vous vous rappelez de ça ? Dans l'émission dernière. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, oui. Vous vous rappelez de ça. Et j'avais dit, mais d'où ça vient ? Et quelqu'un a la réponse. Ludo a la réponse. Voici ce qu'il nous dit. Dans la dernière émission, vous vous êtes posé la question de savoir d'où vient l'insupportable expression « tu es une belle personne ». Ça sort d'une bouse pour bobo parisien dont seul le cinéma français a le secret. Je me suis infligé cette merde au moment de sa sortie et je ne souhaite ça à personne. Alors, le film en question, parce qu'il m'a... Les petits mouchoirs, c'est ça de... Voilà, les petits mouchoirs. Guillaume Canet, je crois. Alors, c'est sorti en 2010. C'est une production Europacorp, donc une production Besson. Hein. Encore le coupable. C'est un film qui a été écrit par Guillaume Canet, dont j'observe que la mère est née à Oran. Mmh. Mais qu'on ne sait pas plus. Alors peut-être est-elle française, parce qu'il y, a, peut-être y avait est-elle française. Il y avait des Français. Oui, oui. Hein, bon, Français, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est que Guillaume Canet a pour meilleur ami Gilles Lellouche. Oui, ça, c'est effectivement... Qui tourne aussi dans ce film, d'ailleurs. Oui, enfin, tu comprends, il faut bien qu'il fasse du cinéma, le pauvre. Ah, je sais bien. Tu peux pas bien vivre du cinéma en France sans avoir au moins quelques juifs dans ton entourage proche, voire même avoir pour meilleur ami un juif. Alors c'est pas quelques juifs, si tu veux, c'est-à-dire que Gilles Lellouche, c'est le... L'IPRA juif. Oui, c'est-à-dire que c'est le juif qui est poussé depuis 10 ans maintenant, parce qu'en 2019, ça doit faire au moins 10 ans qu'il est poussé comme tel. C'est censé être l'acteur beau gosse français. Tu as Jean Dujardin, bon, qui est placé devant maintenant quand même, mais Gilles Lellouche est derrière. C'est le James Bond français, hein, Gilles Lellouche. Voilà. Quand tu compares au fait de Long, tu te dis qu'il y a petit c'est pareil. Oui, non, Magda, tu te poses des questions dangereuses, Magda. Arrête. Alors, tout de suite. Le film a été produit par Alain Attal. Quoi? Alain Adonai? Attal. Ah, c'est Attal. C'est hongrois. Oui, bah, comme Ivan. Ivan qui est voilà. très préoccupé oui. par la Judée-Samarie. Hein, Alors, par contre, l'actrice principale, j'ai oublié celle qui joue là. Elle est connue, hein, très connue. Bah, c'est la femme de Guillaume Canet. Cotillard. Cotillard, voilà. C'est Marion Cotillard qui dit cette fameuse phrase. Tu es une belle personne. Voilà. Je voulais juste te dire quelque chose de très important. T'es vraiment une belle personne, Ludo. Oui, bon, excusez-moi, je pense que l'expression date d'avant. C'est quelque chose qui... Oui, non, je suis le grand inquisiteur, je décide, on m'a donné des éléments à charge. Le juif est coupable. Ils sont documentés, le juif est effectivement coupable. J'en cite au moins deux, un demi-suspect, et Besson en arrière-fond, le dossier est complet. Oui. Je proclame la dissolution de la boîte de production de M. Besson à vendre plus aux Français. Je m'insurge, les demi-suspects, ça n'existe pas. C'est comme l'accumulation des quarts de preuves et des demi-preuves, ça n'existe pas. Comme dirait feu le professeur Forisson. Alors si, ça existe. Et il mérite la corde à piano. Non, il est demi-suspect. Et ça suffit amplement pour l'Inquisition, qui a de légitimes griefs hypothétiques à faire. Vous savez, l'hypothèse suffit. Dans une affaire où des juifs sont mêlés, l'hypothèse suffit. Oui, des juifs ou des templiers, ça marche aussi. En fait, il faut simplement utiliser les ressorts du tribunal de Nuremberg pour avoir tout bon. Mais appliqué aux juifs. Ah, oui. Et oui, voilà, vous allez voir. Bon, un dossier qui mérite d'être suivi avec peut-être plus de détails si des personnes veulent... Ça peut être intéressant, ça. S'il y a des auditeurs qui veulent apporter peut-être davantage d'éléments, ils ont peut-être trouvé quelque chose d'autre hein, qui attesterait de l'existence de cette expression avant ce film. Mais en attendant, nous restons sur cette position. Et de toute façon, ils sont coupables. Ils ont quand même écrit un scénario avec cette phrase. Oui, c'est... Il y a un nombre de Shabbat Goy autour de la bande à Lellouche. Je crois que le plus insupportable pour moi, c'est... comment il s'appelle, là, le type qui joue l'handicapé dans Intouchable. Un cheveu sur la... Oui. François Clouzet, oui. Ouais, voilà, alors lui... Ah bah dans le film, Les Petits Mouchoirs, il joue le rôle de l'amant possible de Guillaume Canet. Oui, ah c'est oui. ça en fait. Non, c'est pas de Guillaume Canet. Attendez, comment il s'appelle? Il a fait le film sur Louis XIV, Le Roi Danse. Comment s'appelle cet acteur-là? J'ai oublié son nom. Celui qui est mort? Non, il n'est pas mort. Ah merde. Et il a fait récemment, il a refait une série avec Depardieu sur Netflix, Marseille. C'était lui son partenaire. Ah oui, oui, Magimel. Voilà, Magimel. Donc c'est Magimel qui essaye de séduire Cluzet. Voilà, dans le film. Donc il y a quand même de l'homosexualité dans ce film, Les Petits Mouchoirs, pour vous dire que c'est quand même très juif. Hein. Oui. Même si ce sont deux Français qui jouent les PD. Ouais, c'est surtout pour ça que c'est très juif. Hein. Oui, enfin, c'est, si tu veux, c'est quand même le rôle du Français. Enfin, chaque fois qu'il a un rôle, c'est celui du Français un peu bourru, crypto-droitard, qui à chaque fois joue le rôle du cocu ou du candole. Et heureusement que le mâle alpha Lelouch est là pour remettre un peu l'église, remettre la synagogue au milieu du village. Enfin, bon. Gilles Lelouch, gravure de mode, quoi. Voilà, ça fait rêver. Bah écoutez, dans le trailer là du film, je l'ai vu de profil. Pour le coup, il crève vraiment l'écran, au sens physique du terme. D'ailleurs, je crois que c'est la femme actuelle ou l'ancienne de Canet, qui est Diane Kruger, qui est une beauté. Hein. Très très belle femme. Ah, on l'a fait faire un film antique. C'est l'ancienne. Ah, ouais, c'est une Allemande, donc forcément, on la pourrit. Je pense qu'on a dû la faire se briquer par des nègres, obligatoirement. Un agent du Mossad dans un film un peu hagiographique. Donc, les juifs sont à l'offensive pour nous vendre. Le juifisme, non, les techniques. Ah, en fait, le Mossad. Le Mossad, c'est des Aryens. C'est ça, ouais. Non, ils vont te vendre, à la fin, tu sais, quand tu vas regarder Israël dans 100 ans, en fait, ils te vendront ça comme si c'était le Troisième Reich, en fait. T'auras la même esthétique, le même truc, tout sera comme. Ah, voilà. Mais c'était. Voilà. Ils vont peut-être s'améliorer, même génétiquement, avec des manipulations génétiques, je ne sais pas. Je découvre. C'est possible. Ah non, les agents israéliens incarnés par des Allemandes au physique parfait, c'est quand même assez étonnant, je dois dire. Ouais, Diane Kruger, c'est quand même c'est une belle poupée, hein, honnêtement. Ouais, mais on habitue à ses croûtes. Elle a fait un film anti-nazi, là, avec... Un réfugié. Il n'y en a pas qu'un. C'est la déchéance du peuple allemand. Ouais, malheureusement, c'est une Allemande francophile, tu vois, c'est... Ah bah ça c'est un signe d'art, ça normalement c'est la fin de tout normalement. Bah oui, les Allemands francophiles, c'est caca. Arrêtez. Non parce que tu comprends pas, les Allemands francophiles, ils sont francophiles pas pour les bonnes raisons, il faut quand même voir. À l'époque ils étaient francophiles. Arrête, à l'époque tu avais les Allemands francophiles qui étaient francophiles par l'anus, maintenant tu as les Allemandes francophiles par les nègres, hein, c'est ça. Non, mais les francophiles étaient, enfin, ils sont francophiles parce qu'ils étaient attirés par la gauche, ce qu'il y avait de gauche en France. Le libéralisme français, c'est... Oui, enfin, tu peux être francophile à l'Ernst Jünger et francophile à la Diane Kruger. Non, mais Jünger a rejeté l'essentiel de sa jeunesse. Il faut quand même comprendre ça. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, ça reste quand même un Allemand de qualité. Effectivement, les Falaises de Marbre, c'est un pamphlet déguisé anti-nazi. On est d'accord. Mais il n'empêche que c'était... Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour le... Mais c'est pas une question de respect. C'est pas le problème, ça. Mais ce que je souligne, si tu veux, c'est que Jünger, pour des raisons un peu étonnantes, c'est retiré presque des événements, une espèce de retrait intérieur, un peu aristocratique et dédaigneux d'ailleurs, et son antinazisme est finalement un antinazisme bourgeois. Oui, Jünger, c'est très étonnant. Oui, extrêmement pratique, bien sûr. Oui. Jünger, c'est très étonnant. Il avait été extrêmement choqué par sa rencontre avec Louis Ferdinand Céline, par exemple. Oui, voilà. C'est ça qui est quand même gênant, quoi, si tu veux. Oui, bon, voilà. Non, mais choqué en fait, dans quel sens? Bon, dans le sens où il méprisait un mépris bourgeois, hein, Louis Ferdinand Céline. Par rapport à son racisme, son antisémitisme. Ah d'accord, c'était pour son racisme et son antisémitisme. Oui, d'accord. Oui, non, j'aurais plutôt pensé que c'était pour leur vision différente de la guerre. Sûr que quand tu compares Voyage au bout de la nuit Est-ce que Céline pense de la guerre? C'est l'inverse, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les récits guerriers de Junger, c'est sûr qu'il y a un Louis monde. Louis Ferdinand Céline, en fait, s'attendait à ce que les Allemands viennent dans Paris pour faire la révolution. Oui, pour trucider les Juifs à la baïonnette. Donc, il avait indiqué à Junger, oui, je ne comprends pas comment se fait-il que les Juifs ne se fassent pas trucider. Et bon, voilà, bon, l'autre n'a pas compris. Oui, enfin, les Allemands, quand ils venaient à Paris, c'était surtout pour profiter du... Mais c'est ça. Du décadentisme parisien. C'est exactement oui, mais ça. C'est ce qu'on leur reproche. Hein. Parce que donc, en fait, c'est ça qui est intéressant avec la rencontre avec Céline et Junger. Parce que ça résume, en fait, ce dont on parle. C'est-à-dire que la francophilie de Junger... traduit une fatigue spirituelle de Junger qui déjà ne veut plus entendre parler de la guerre, en fait. Et donc c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui vient de la Première Guerre mondiale dans les troupes de choc, qui s'est fait connaître pour son courage et ensuite pour son ouvrage. C'est Orage d'acier qu'il a écrit, je crois. Oui, c'est ça, Orage d'acier, le premier. C'est ça. Orage d'acier, et ensuite, à la fin des années 20, il devient un peu plus hésitant, et puis avec l'avènement du national-socialisme, en fait, il prend carrément ses distances avec ça. Bon, très bien, bon, c'est sa liberté, mais quand il arrive en France, c'est quelqu'un qui arrive finalement un petit peu en touriste, un peu à l'écart des événements, voilà, il est quand même porté par les événements, mais c'est pas quelqu'un qui se sent vraiment impliqué au premier degré, et il tombe sur un Céline qui, lui, était aussi un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui, ayant été blessé durant la Première Guerre mondiale, est devenu un pacifiste convaincu, mais qui, en revanche, est un révolutionnaire. Et qui, lui, n'est pas vraiment... Je ne vais pas dire qu'il tend vers le germanisme, mais qui se reconnaît dans la force du racisme allemand, dans laquelle il se reconnaît intellectuellement. Et donc, il s'attend à voir une Wehrmacht qui porte l'idée révolutionnaire national-socialiste. Oui, et il découvre... Quelque chose de fanatique, de porté par l'idéal dicté par le Führer, en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Mais il tombe, en fait, sur une armée d'aristocrates prussiens qui sont des gens qui, finalement, ne sont pas finalement socialement si différents des aristocrates qu'on retrouvait dans l'armée française, finalement. Pas si différents. Oui, je crois surtout que Junger qui n'était certainement pas porté par une idée révolutionnaire de la volupté nègre. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Non, mais c'est pas ça. Non, je veux dire, ça se télescope et leur rencontre traduit ça. C'est-à-dire que, en fait, vu d'où il partait, ça aurait dû être l'exact inverse. On aurait dû avoir un Céline détaché, presque dégoûté. Et de l'autre, un Junger toujours aussi porté par l'idéal nationaliste. Et on voit l'exact inverse. Mais t'as lu ça où, enfin, c'est la rencontre entre Junger... Ah, c'est connu. C'est des propos de Junger lui-même. De Junger lui-même qui rapporte son entrevue avec Céline. Alors, et Céline dit une chose très, très très juste. Il dit à Junger, si les bolcheviks étaient à Paris, ils vous montreraient comment on fait une révolution. Ça parce fait. Qu'il nettoierait tout, rue par rue, maison par maison. Et il avait raison. À la baïonnette. Donc, quand il a vu les Allemands arriver, il a vu des Boy Scouts arriver. C'est pour ça, rétrospectivement, c'est assez cocasse quand on voit les récits de guerre présentant l'occupation. Oui. Non, parce qu'on parle quand même de la rafle du Veldiv, ce genre de truc. Bon. Oui. La rafle du Veldiv, c'est quelque chose de somme toute extrêmement mineur, hein, bon, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément au fait des événements qui ont lieu. La rafle du Veldiv, c'était quelques dizaines de milliers de personnes. Hein, oui, quelques dizaines de milliers de personnes. Et encore, il y a beaucoup plus de personnes qui sont aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de migrants aujourd'hui dans les camps de détention en France. Hein, on parle de gens qui étaient venus d'Europe de l'Est, qui étaient. En fait, on parle de clandestins d'Europe de l'Est. Voilà. On parle même pas des juifs entre guillemets avec des grosses guillemets français Non, on parle des juifs d'Europe de l'Est. Ouais, d'abord, avant tout, ouais. Donc, c'est... Et encore, cette rafle intervenant dans la troisième année de l'occupation. Ouais, c'est-à-dire que bon, ils avaient eu le temps de bouger, là, les bougres. Hein. Ils ont parti en zone sud, etc. Ils sont partis en Suisse, ils sont partis en Espagne. Ils sont bah, il faut relire les propos de Rabatet dans Les Décombres, il en parle formidablement bien. La Riviera qui est gorgée de gros youpins luisants au soleil. Enfin, c'est... Bah non, mais, alors que la France est ravagée. Parce que, me semble-t-il que Romain Gary se trouvait par là-bas, quoi, déjà, hein, avec sa mère. Hein, ah oui, bon, ah, moi j'ai découvert que, enfin, de plus en plus fréquemment, on cite Romain Gary pour le présenter comme un grand écrivain français. Là. Moi je trouve ça toujours. Oui, bah, d'ailleurs, un grand écrivain, d'autant plus qu'il s'est suicidé. Ouais, parce qu'il était... Oui, et qui parlait beaucoup de. D'inceste, avec sa mère. D'inceste, ouais. Dans... Oui, bah, tout oui, à fait. Ouais. C'est... Ah, bah, c'est, encore c'est une ah, tu ne connaissais pas oui, bah, oui, ça veut... bah, c'est pas nouveau. Hein, c'est... Charme, charme. Voilà, enfin bon, on s'est un peu écarté, mais... Il y a un film là, qui a été fait récemment avec l'immonde, la fille de Gainsbourg, comment elle s'appelle voilà, Charlotte. Oui, voilà, Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney. Et effectivement, tu sens bien que... Enfin, ils ont bien retranscrit ça, quoi. La mère juive qui couche avec son fils, c'est, ça se ressent. C'est une histoire d'inceste aussi. C'est le fondement oui. du judaïsme. Et puis, le fameux Émile. Émile Ajar. Oui, Émile Ajar s'est inventé un passé d'aviateur. Et visiblement, les gens qui ont un petit peu enquêté sont aperçus qu'il a beaucoup usé de la licence poétique pour glorifier ses exploits d'aviateur. Ouais, bah c'est comme Martin Gray, si tu veux. Tu as pas mal de gens de cet acabit qui sont venus se mettre en région autour de Nice. Hein, Martin Gray qui avait brûlé sa femme. Sa famille a été brûlée, pardon, excusez-moi. Elle a été tuée une première fois. Et sa deuxième famille a été brûlée à Tanneron, dans les coins où on cultive le mimosa. Hein, entre les Alpes-Maritimes et le Var, c'est le type qui écrivait des romans pour dire, enfin c'était, il écrivait des romans fiction pour le coup, en mode je suis James Bond, je m'échappe des camps de concentration, j'y rentre, j'y reviens, j'y ressors, etc. Enfin c'était, Martin Gray, faut connaître quoi. Hein, si vous prenez n'importe quel bouquin, vous allez vous marrer à gorge déployée. Et comment se fait-il que sa famille disparaisse, enfin, bon, qu'il avait tendance à perdre sa famille, quoi. Bah parce qu'il la faisait cramer, parce que bon, c'est ça. non mais c'est ça, hein. C'est, voilà, c'est un type qui faisait il vendait des œuvres d'art. Enfin, bon, bref. Il y a beaucoup de alors, gens Fulbert, bizarres. Fulbert, oui. Oui, pardon. Tu as Martin Gray, tu as son vrai nom, comment s'appelle-t-il? Ah, c'est un Polonais du nom de Mieczek, je ne sais pas si je prononce bien, Mieczek Grzewski. Un Polonais particulier. Qui est crevé il n'y a pas longtemps. Oui, effectivement. En Belgique, il avait une spécialité, une de ses sociétés rachetait systématiquement les immeubles classés de Bruxelles. Non, mais c'est un type qui faisait du trafic d'art, en fait. Hein. Il vendait ouais. des œuvres d'art. Ah. Oui. Il oh, c'est curieux, trucs. Ça. Oui, bah... Il voulait juste rendre service. Hein. Bon, pas comme Adolf Eichmann, mais bon, d'une certaine manière, il rendait service. Mais oui, c'était un escroc juif de la pire espèce, Martin Gray. Un escroc juif, assassin de famille, enfin... Bon. Voilà, oui, le tableau est assez complet, quoi. Donc quelqu'un de doué, oui. Donc. Hein. Oui, oui. Alors, escroc courrier... pléonasme. Rubrique numéro 2, courrier des lecteurs. Voici le courrier que je vous livre. Salutations cordiales à toute l'équipe. Je réagis à votre courrier des lecteurs de la semaine passée concernant la permaculture. Je me suis reconverti dans l'agriculture de proximité il y a une dizaine d'années. Après avoir découvert la permaculture, j'ai expérimenté une bonne partie des idées contenues dans cette immense boîte à outils qu'est la permaculture. Et après une grande majorité d'échecs, j'en ai tiré quelques idées fonctionnelles que j'ai ajoutées à d'autres pour monter ma ferme économiquement profitable. Je fais maintenant du consulting. Plus de ma ferme pour aider des institutions à monter des fermes maraîchères bio et productives. J'ai pas mal de remarques au sujet de la permaculture. Tout d'abord, la permaculture est une chaîne de Ponzi. Les premiers qui ont répandu l'idée ont promis la lune en présentant de jolis jardins-forêts qui soi-disant produisent énormément et sans effort et vivent en faisant payer des sommes faramineuses à des stagiaires qui, à leur tour, revendent du rêve et le pantalon à une jambe à la prochaine génération d'idéalistes, et ainsi de suite. Quasiment aucun d'eux ne vit de la production agricole en tant que telle, ce qui est pour le moins éloquent quant au prétendu rendement. Ensuite, comme dit durant l'émission, la permaculture réinvente l'eau tiède sur beaucoup de sujets. Une ferme diversifiée fonctionnant avec les ressources locales est ni plus ni moins le modèle utilisé depuis le néolithique jusqu'à la révolution industrielle. Si l'auditeur souhaite accéder à l'autonomie pour le côté alimentaire, je lui conseille de rester à l'écart des techniques New Age et de s'inspirer des potagers de grand-mère, un modèle extrêmement productif et qui a fait ses preuves. Dans sa version commerciale, on le nomme maraîchage bio-intensif. Lire à cet égard Jean-Martin Fortier et Elliot Coleman. Elliot Coleman. Pour l'autonomie en électricité et Internet, un petit système en îlot comme celui de ma ferme autonome est largement suffisant pour les besoins quotidiens. Pour le logement aussi, se tenir à l'écart des procédures administratives au possible, par exemple en habitant officiellement un camping-car sur son terrain tout en rénovant discrètement la vieille grange. L'autonomie financière est aussi primordiale, un travail que tu peux effectuer depuis le domicile par Internet est l'idéal. La micro-agriculture a aussi du potentiel, mais moins rémunératrice que n'importe quelle activité de service. L'accès à la terre reste un problème, mais en étant prêt à aller dans des coins isolés, il y a des solutions accessibles à tous. Voir, entre guillemets, ma ferme autonome, fermez les guillemets, et France survivaliste, ils ont de bons conseils sur comment se procurer un terrain à bas prix, pour être presque totalement autonome en nourriture, pas besoin de 100 hectares. Sur 1000 mètres carrés de jardin, tu peux largement produire tes pommes de terre, mais ton maïs, légumes, pour une famille entière, pour l'année. Ajoute-y quelques milliers de mètres carrés si tu souhaites avoir plus de bétail, en plus de poules, etc. Le seul point primordial, avoir une source d'eau. Je ne peux qu'encourager l'auditeur à diminuer sa dépendance envers la société usurière de consommation, entre trois parenthèses. Travailler la terre et s'occuper d'animaux du début à la fin met un clou définitif au cercueil de l'égalitarisme et fait prendre conscience que l'ordre naturel des choses n'est pas un vague concept, mais une constante inébranlable. Avec mes meilleures salutations, merci pour tout ce que vous faites. Sieg Heil, et c'est signé Richard Walter Daré, un excellent auteur, dont je recommande la lecture de Sang et Sol d'ailleurs, un livre que vous trouverez certainement en ligne sans difficulté. Qui veut commenter peut-être, ajouter quelque chose à ce qu'a dit, aux précisions qu'a apporté notre auditeur? Oui, petite précision quand même sur ce qu'a dit notre auditeur par rapport au, oui, à cultiver, enfin, être autosuffisant sur 1000 mètres carrés. Bon, oui, effectivement, il fait bien de rajouter que si tu as des poules et autres, il faudrait quand même avoir un peu plus, parce que bon, 1000 mètres, ça va faire un peu léger. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était pour les féculents et les légumes. Ouais, bon, après, je suis pas très patate, hein. Les patates, ça reste du glucide, c'est pas forcément l'idéal non plus pour une nourriture au quotidien, hein. Bon, nos auditeurs qui connaissent un petit peu le low carb viendront aisément compléter mon propos. Mm-hmm. Mais avoir des poules, les poules, c'est génial, c'est vrai que ça te fait des œufs, hein. Moi, j'ai des poules, c'est agréable, tu as des œufs tous les jours, tu te fais des omelettes, des œufs au plat, comme tu veux, quoi. Des mousses au chocolat aussi, hein, c'est bien pour le dessert. Et puis bon, après oui, il faudrait avoir un petit peu de bétail, quoi, hein, des chèvres, du mouton, peut-être quelques vaches, peut-être une vache ou deux. Mais c'est une bonne idée quand même, hein, d'avoir cette optique-là. Pour l'internet, je sais qu'il se développe en ce moment de, comment dire, des technologies de diffusion par satellite. Bon, ça existe déjà, hein, des abonnements par satellite qui sont assez chers pour l'instant. Mais tu as Musk qui fait ça, tu as la Chine qui développe ça aussi, et la Russie. Donc, parce que tu as des coins en Russie qui sont totalement coupés de l'Internet. Donc ils développent des systèmes d'Internet par satellite qui vont, qui entrent en concurrence, qui vont forcément apporter quelque chose. Vu que c'est quelque chose qui quadrille la surface terrestre, ça arrivera aussi en France. Donc bon, dans les 5 ans à venir, il y aura des solutions Internet assez sympathiques pour n'importe quel coin dans le monde. Quoi. Tu veux dire pour échapper, je veux dire, au réseau fibre, c'est ce que tu veux dire? Oui, au réseau fibre, au réseau filaire, quoi. Et c'est, quand tu es sur du solaire, par exemple, tu as tes batteries, tes panneaux, mais tu n'as pas, t'as pas la ligne téléphonique. Donc bon, bah, écoute, tu te prends ton truc satellite et puis c'est très bien. Et tu auras des débits très corrects. D'accord. J'ai vu que la 5G, ça avance. C'est une technologie qui rend plus difficile l'écoute par le gouvernement. C'est plus difficile. Ouais, hein. Alors c'est particulier. La 5G, tu as deux points. Tu as un point, c'est une espèce de 4G, 4G plus évolué. C'est-à-dire que quelque chose qui fonctionne à courte distance, en gros, pour avoir du très haut débit. En gros, de la vidéo à fond, et puis tu as une partie basse fréquence, et c'est ça qui est le plus intéressant pour l'intérêt des objets, notamment les capteurs et autres. Et là, oui, il va avoir des applications assez sympas. Ouais. Qui d'autre sur les observations de notre auditeur relatives donc à la permaculture, qui est une réponse à ce qu'on avait abordé la semaine dernière? Rien en particulier? D'accord. Alors, nous avons un deuxième courrier. Qui plonge au plus profond du territoire de cette Gaule occupée par la République juive, faut-il le préciser? Je vous livre cet article. Bonjour, chers camarades participatifs. Tout d'abord, je souhaitais, comme tout à chacun, vous remercier pour le formidable travail que vous faites. Vous lire et vous écouter le rayon de soleil dans l'hiver nègre que nous affrontons. Je vous apporte aujourd'hui, par le biais de ce courrier, mon long, mais j'espère intéressant, témoignage. Travaillant pour un service de l'énergie, j'ai été muté dans une petite région très rurale, comme notre beau pays en compte tant. Et quelle ne fut pas ma satisfaction lorsque j'ai découvert que ce petit coin de paradis a été préservé du torrent nègre qui déferle sur la France. Pour vous donner une idée, arpentant chaque jour de long en large le territoire et étant au contact de toutes les couches sociales, le nombre de métèques que je rencontre mensuellement se compte sur les doigts de la main. Même si, bien sûr, c'est encore trop. C'est donc pour moi une occasion passionnante d'y étudier la sociologie locale et d'observer ce que serait devenue la France sans la vague marron, tout en restant sous le joug de la République soviétique. Tout d'abord, la jeunesse, qui est à 98% blanche, y est bien plus saine que celle des villes, surtout chez les garçons. Ces derniers s'orientent généralement beaucoup vers des métiers nobles et manuels. Ils ne font généralement pas de grandes études et ne sont pas très attirés vers les métiers d'avorton du tertiaire. Ce qui en fait de jeunes hommes, globalement sains, même si l'alcool et le rap ont tendance à en abrutir certains. Fait très intéressant, ils sont très attachés à leur petite région. Certains jeunes blancs que j'ai essayé de faire rentrer dans le service ont refusé cette place plutôt confortable car il leur aurait fallu déménager. Du côté des filles, je suis plutôt partagé. S'il y a une partie de filles sérieuses qui permettent à la majorité des blancs du coin de ne pas souffrir de la misère sexuelle, il y a aussi une partie de petites gourgandines habillées comme dans Pretty Woman et qui sont attirées comme des mouches par le tas de fumier que sont les grandes villes. Autre fait que je peux observer, c'est la prolifération des blancs dégénérés. En effet, une partie de mon travail consiste à couper l'énergie aux mauvais payeurs. On pourrait imaginer que cela concernerait dans un tel endroit de pauvres prolétaires blancs écrasés par la finance et le soviet français à l'instar des gilets jaunes. Eh bien non. 80% des coupures concernent des familles de cas sociaux qui n'ont de blanc que la couleur de peau. Ils n'ont vraiment rien à envier à des nègres. Ils s'entassent dans des maisons qu'ils ont transformées en taudis avec des jardins qui oscillent entre casse automobile et décharge publique. Ces gens vivent littéralement dans la merde, et je ne compte plus les fois où j'ai failli dégueuler rien qu'en approchant de leur porte. Ils bénéficient des diverses allocations et du soutien inconditionnel des assistantes sociales qui finissent par payer leurs factures avec les impôts des travailleurs. Comme les nègres, ces gens ont une natalité exponentielle et se multiplient donc de génération en génération au détriment des blancs de qualité, chose que l'américain Madison Grant avait relevé dans son très bon livre « Le déclin de la grande race », que je conseille à tous les démocrates, effectivement. Dernier fait intéressant sur cette population. Elle a un phénotype particulier qui me permet aujourd'hui de les reconnaître au premier coup d'œil. Phénotype que je retrouve régulièrement chez les putains nègres et autres traînés, mais aussi sur de nombreux avortons d'extrême gauche. Il y aurait donc quelque chose à étudier de ce côté-là. Autre point intéressant, la gendarmerie locale, je n'ai jamais vu ça ailleurs, les forces de l'ordre persécutent de manière acharnée la population blanche. Je les vois se camoufler dans les coins les plus improbables pour prendre au radar ou vérifier si Roger, 79 ans, met bien son clignotant. Je les vois dès 7h du matin sur des routes stratégiques contrôler le poids ou mesurer les échelles des camions des artisans qui partent bosser, faire 3 fois le tour des vieilles voitures qu'ils contrôlent pour essayer de mettre des amendes ou mettre des sondes dans les réservoirs pour vérifier que ces sales prolos ne roulent pas au fioul rouge. Un père de famille a vu sa maison et sa voiture retourner devant sa femme et enfant pour un simple contrôle routier positif. À l'alcool, donc, hein. Durant l'épisode des Gilets jaunes, c'est un des rares endroits où j'ai vu des flics intimider les gens sur les ronds-points, les harceler, les convoquer en permanence pour des motifs futiles. Inutile de vous préciser que les manouches véritables, véritables plaies du secteur, ne bénéficient pas de ce gracieux traitement. Inutile également de préciser que la brigade de gendarmerie est à 100% blanche, ce qui fera réfléchir ceux qui attendent quelque chose des forces de l'ordre. D'autres choses ont retenu mon attention, des HLM des années 50 en parfait état, un racisme et un antisémitisme décomplexés notamment chez les agriculteurs et les artisans, une solidarité et un sentiment de communauté qui persistent dans ces petits villages où tout le monde se connaît, un taux de déficience inquiétant, cependant, chez les jeunes enfants. Mais développer ces points serait trop long et ferait peut-être l'objet d'un autre courrier. Merci de m'avoir lu. Salut à tous, et c'est signé un Narien. Alors, notre auditeur attise un peu ma curiosité, je serais curieux de savoir où ça se situe. Mais... Oui, moi j'ai quand même... J'ai ma petite idée. Ah, d'accord. J'ai ma petite idée aussi. D'accord. Ça sent quand même le sud-ouest. Hein. Ah, j'aurais dit la Bretagne. Non. Chacun va y mettre un peu ce qu'il voudra. Hein, voilà. C'est vrai qu'entre Rennes et Toulouse, il y a quand même des similitudes. Hein. Oui, enfin, de Roubaix à Perpignan, je pense que tu peux trouver des cas comme ça. Il y a plein de choses dans son courrier. Hein. Ouais, c'est costaud. Hein. C'est... Non, mais je me suis reconnu hein, dans cet article. Et oui, effectivement, tous les gens vous le diront, enfin tous ceux qui vivent en France, les gendarmes sont de plus en plus agressifs, font de plus en plus de zèle, et traitent de plus en plus la population autochtone comme une population en fait séditieuse. Il y a une forme de cercle vicieux qui se met en place où... Bah effectivement, j'en parlais la dernière fois, hein, notre auditeur précédent, celui qui nous a écrit, nous l'a dit aussi. Tout ce que vous faites dans la campagne remontera un moment ou un autre aux oreilles des autorités. Oui c'est ce que tu avais dit. Tu avais dit à l'époque, tu parlais de la permaculture, tu disais, le dire pour ta question, j'ai envie d'installer mes panneaux solaires, toi t'avais dit, si t'installes des panneaux solaires, surtout, n'en parle pas aux autorités. Oui, oui, ouais. Parce que, alors, en plus, bon, le type, je pense, savoir de où est-ce qu'il bosse. Et effectivement, je veux dire, ça. Si t'installes un volet qui est pas de la bonne, de la bonne couleur, et que t'habites dans une zone qui est protégée, effectivement, tu peux oui. voir arriver, alors pas les gendarmes, parce que ça ne concerne que les autorités administratives, mais les gens te surveillent. En plus, je pense que généralement les gendarmes qui arrivent dans ces coins, alors c'est des brigades départementales, mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas envie de rester. Faut aussi vous dire que les gendarmes à l'ancienne qui restaient très longtemps sur un territoire qui ne vivaient pas forcément en caserne mais qui vivaient à l'extérieur, donc qui étaient en fait des permanents, et ça, vous voyez, voilà, ça n'existe plus. Maintenant, c'est que des jeunes qui vivent dans des logements de la gendarmerie, donc ils sont beaucoup moins intégrés. Ils sont décentralisés, qui viennent d'ailleurs, forcément, parce que on n'est pas des gendarmes des locaux. Parce que ça on en avait parlé à l'époque des Gilets jaunes. Quand tu mets des gendarmes qui sont du pays, il peut y avoir fraternisation avec la population. Et ça, c'est acceptable. Y a fraternisation. Hein. Oui, c'est ce qu'il y a. À une époque, il y avait fraternisation. Et puis voilà, quand il se passait quelque chose. Les gendarmes ont toujours été un petit peu mieux vus que les flics, parce que justement, il y avait une proximité qui se faisait. C'est de moins en moins le cas. Moi, par chez moi, là, ils vont bientôt débouler. Les mecs ont carrément les femmes à seins. Enfin, faut voir le truc. Les gendarmes ? Ouais. Les mecs font des contrôles routiers avec les flingues. Hein. Tu te crois ? Avec les femmes à seins ? Ouais, carrément. Moi, ouais, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment des réticences sur cette histoire de terrorisme. Pour moi, c'est essentiellement une excuse pour fliquer la population. Ah bah, on est de plus en plus dans la narco-tyrannie. Non, mais là, je sais pas si... Enfin, MacDav, tu as dû voir passer ça, mais si tu veux, tu as des gendarmes, des flics, qui se mettent en tenue de camouflage sur des routes forestières, hein, devant des arbres, avec les radars. Oui, je l'ai vu, ça. Oui, ils se mettent en tenue de camouflage avec des radars mobiles, pour te niquer. Oui. C'est-à-dire que... Oui. Tu as tous ces bougnoules qui sont là, qui veulent quand même tuer des nègres innocents, hein, cette semaine. Et puis permets quand même moi de souligner qu'un nègre n'est jamais vraiment tout à fait. Donc des bougnoules qui tuent des nègres presque innocents. Et puis qu'est-ce que fait la gendarmerie? Les gendarmes sont là à se foutre devant des arbres dans des tenues camouflage. Pour te dire, monsieur, vous avez roulé à 93 au lieu de 90, vous êtes un criminel. Hein, voilà. C'est ça. Moi, il y a un moment donné, il faudrait que ces gens-là se regardent dans la glace et se flinguent, hein, et se pendent. Et d'ailleurs, voilà. Tu vois, ça fait, je pense, quelques années que c'est une tendance qui s'accélère. Mmh. C'est pour ça que je parlais d'anarcho-tyrannie, mais la France, c'est ça. Tu vois, il y aurait des Américains qui sont un peu, comment dire, pas libéraux, mais qui... Libertariens, tu veux dire ? Oui, libertariens. Eux verraient ça tout de suite. Ils diraient, mais la France, c'est la narcotyrannie. Donc, quand tu es un citoyen honnête, on va te faire chier pour tout, n'importe quoi. On va te retrouver des arriérés d'impôts. On va te faire chier parce que tu roules pas à la bonne vitesse. Oui. Parce que tu as des normes qui deviennent de plus en plus délirantes. C'est-à-dire, tu peux pas... faut voir ce que ça a été pour les gens qui bossent, qui ont besoin de leur bagnole pour survivre. Mmh. Faut voir ce que c'est que d'être fliqué parce que tu roules à 90 maintenant. Oui, 80, non, mais, même pas pour survivre, si tu veux. C'est-à-dire que bon, dans les années 80, tu avais des bagnoles qui étaient, c'était en ferraille, t'avais pas de protection, d'ABS et quoi que ce soit. Bon. Depuis les années 80, les vitesses baissent sur l'autoroute. C'est-à-dire que maintenant, des autoroutes qui étaient à 130 passent à 110. La route passe de 90 à 80. Tu as des radars partout. Je pense que c'est pareil pour vous. Mes parents, mon père, sur l'autoroute, à l'époque, ça leur arrivait de rouler normalement à 200 km/h sur l'autoroute. Il n'y avait pas de problème. Hein. Bon, c'était limité à 130, mais déjà, il n'y avait pas de permis à point. Hein. On s'en foutait. Bon, À l'époque, les véhicules n'étaient pas si sécurisés que maintenant. Maintenant, les véhicules sont quand même très sécurisés. Oh, et maintenant, on a des véhicules de plus en plus sécurisés et on baisse la vitesse. Posez-vous la question. Parce qu'il y a quand même une encule là derrière. Hein, on cherche à domestiquer l'arien, hein, qui est là à vouloir s'échapper un petit peu de sa monotonie, de son boulot de merde. Hein. Il va rouler avec sa bécane, avec sa bagnole. Bon, ben ouais, il faut que ça cesse ça. Il faut pas cesser de faire. Bah disons aussi que en fait plus les bougnoules font n'importe quoi, plus ils sont agressifs, plus ils agissent en totale impunité avec la protection des juges rouges, avec des flics qui sont totalement impuissants à les appréhender, où les flics sont terrorisés à l'idée même de sortir leur flingue pour en flinguer un, plus la flicaille est agressive, sans aucune raison particulière, envers le peuple français. Donc c'est pour ça que les gilets jaunes ils se sont turbo-déniaisés rapidement, hein, parce qu'ils savaient très bien que effectivement la flicaille devient de plus en plus arrogante et dangereuse envers le peuple de souche. Ça c'est quand même quotidien. Hein, faut voir ce que c'est. Moi je les ai vus récemment pendant l'épisode de canicule. Je les voyais. Alors c'est des jeunes, de plus en plus de gonzesses. Fallait les voir. Avec leur pare-balles, leur PM, voire leur fusil d'assaut, en train de faire un contrôle en pleine canicule, un dimanche pour contrôler un type qui revient du dîner chez sa belle-mère. Excuse-moi, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Pourquoi tu veux contrôler ces gens qui sont honnêtes, qui te font vivre, alors que tu ne vas pas foutre un pied dans une cité? Hein, bah non, pour moi ça s'explique bien. C'est des consignes très très très très claires. Il s'agit de faire comprendre et de faire sentir à la population donc française, vraiment française, la qu'il faut et qui est laborieuse. Je veux dire la population laborieuse, de lui faire sentir aux contribuables français de race blanche, il faut lui faire sentir que il est observé. Non, on peut pas comme ça prendre sa bagnole, échapper au regard de l'État. Non, l'État, nous sommes partout. Là. Voilà. Et puis de toute façon, c'est aussi un bon moyen de pas juste non, le fliquer pour fliquer. Et en fait, le... Vas-y, je t'en prie. Non, voilà, c'est simplement que c'est un moyen commode et d'aspect anodin d'envoyer un signal psychologique aux Français de souche. Qui travaillent et qui payent des impôts, de leur faire comprendre que l'État ne s'est pas absenté, que les gens qui contrôlent l'État ne se sont pas absentés, et que s'il y a effectivement des troubles ici ou là dans les grandes villes, pour ce qui les concerne, eux, ils sont dans la ligne de mire et suivis à la trace. Voilà le message qu'on leur envoie, et le harcèlement routier procède de ça. C'est une tactique de guerre psychologique contre le peuple. Et je vais dire une autre chose. Je trouve, moi, que ces forces de police, alors à leur corps défendant, parfois, je veux dire, quand on est un simple gendarme ou un simple policier, on n'est jamais qu'un fonctionnaire. Donc c'est pas eux les donneurs d'ordre. Hein. Ils sont tout en bas de la chaîne. Mais disons que progressivement, ces institutions que sont gendarmerie et police, pour ne pas parler des services de renseignement, se transforment en véritables troupes d'occupation coloniale. Hein ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus... La police n'est plus l'extension... Ça a toujours été le bras séculier de l'État, c'est bien entendu, et de ceux qui contrôlent l'État. Mais disons que, comme l'a bien dit McDav... Et même, comme l'a dit aussi un peu avec stupéfaction notre auditeur, il y avait quand même l'image, entre guillemets, du gendarme de Saint-Tropez, vous savez, le Louis de Funès, quoi. C'est-à-dire le gendarme un peu pied-niquelé, voilà, mais globalement bienveillant, qui fait son boulot comme il peut, etc. Voilà, c'est une image un peu caricaturale, mais il y avait un rapport globalement de confiance entre la gendarmerie, qui était quand même rurale, et la population. Hors d'une espèce de coopération bien comprise, on est en train de passer à un rapport de force. Donc ça veut dire que du côté de l'État, donc à Paris, la perception du peuple a changé. En tout cas, elle a peut-être pas changé de nature, parce que je pense qu'il y a toujours une défiance, en fait, depuis 1793, en fait, je pense qu'il y a une défiance entre le centre et les périphéries, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réactivation de cette défiance, et qu'on le voit, et que les autorités, que le gouvernement perd la confiance du peuple, le sent, et compense par des manifestations de force. Alors non létale, hein, on n'est pas en train d'arrêter des gens à l'aveugle, mais on fait comprendre que le gouvernement est là, bien là, et que si jamais des gens dans la population avaient cru deviner que peut-être l'autorité était un peu fébrile, un peu flageolante, il n'en était rien. Voilà ce que je crois. Oui, c'est pas étonnant que dès que tu as eu l'explosion des gilets jaunes, un des premiers trucs qui a été attaqué, ce soit les radars automatiques. Oui, oui. Ça, ils ont communiqué là-dessus. Pas étonnant du tout. Pas étonnant du tout. Les types, hein. Parce que c'était. Oui, c'était de l'ordre de 90% de radars qui étaient de manière définitive. Mais les flics ont communiqué. Moi, j'ai eu, moi, de mon côté, des retours de gens qui, on va dire, qui étaient dans ces trucs-là. Les gens, ça c'est au moment que ça les démangeait, hein. À un moment donné, tu es là, tu as des bagnoles qui sont super, super sécurisées, ou des bécanes, etc. On te met des limitations à 90 avec des 3 voies. Bon, c'est pour t'enculer, hein, c'est pour dire ta gueule, allez, baisse la tête. Voilà. Donc, c'est vrai que la destruction systématique d'un nombre énorme de radars, ça a été un gros signal envoyé au gouvernement français. Hein. Bien sûr. Alors maintenant, du coup, ils compensent. Alors ça, je l'ignorais, par contre. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas un risque terroriste, mais j'imagine pas le risque terroriste, si vous voulez, au coin d'un chemin creux, quelque part dans l'Allier, si vous voulez. C'est pas tout à fait comme ça que je perçois le risque terroriste. Je pense que ça sera beaucoup plus vrai dans des banlieues pourries d'Île-de-France. Mais visiblement, alors comme on l'a déjà remarqué, notamment lors des émeutes à Grenoble, et encore récemment, quand il y a eu Rouen, on va reparler de cette ville, l'assaut sur le commissariat par des Arabes au cri d'Allah Akbar, visiblement, alors là, je ne sais pas, ils perdent les flashballs, ils sont dans des caisses à double tour, ou alors il n'y a pas de munitions, je ne sais pas, enfin, ils ne s'en servent pas. Par contre, dès qu'il s'agit de cogner sur du prolétaire blanc, alors tout de suite, là, c'est un trésor d'imagination pour savoir comment on va les faire saigner, quoi. Alors bon, il y a des consignes, hein, les préfets donnent des trucs, faut être strict, faut être ferme, etc. Il n'y a pas toujours, faut être sincère aussi, il n'y a pas toujours que des gens très fins dans les manifestations de colère populaire, ça c'est tout à fait entendu aussi. Mais les forces de sécurité commencent à filer un drôle de coton quand même. Oui, ça fait quand même quelques mois. Ça fait plusieurs années, ça remonte. Oui, non, mais là, maintenant, quand on me dit ils ont des fusils automatiques pour faire des contrôles, des contrôles d'alcoolémie. Bon, enfin, sur les agrous, non. Moi, je les ai pas vus sur un contrôle d'alcoolémie. Je les ai vus sur un contrôle de drogue. Ça se comprend. Alors. Il faut voir ce que c'est. Hein. Quand t'as des nanas à gros cul, quoi, c'est ça, hein. Ouais, quand t'as une beurette qui vient te contrôler chez toi avec le truc gendarmerie nationale, beurette qui fait 1m60 avec les Rangers, 70 kilos hors taxe de gras, il faut garder ton calme. Hein. Or que t'es en train de bosser et que tu dois aller voir un client ou t'as un rendez-vous et qu'il est 19h du soir et que t'en as plein le cul. Faut comprendre ce que c'est. Hein. Oui, je ressens. Alors, il a pas dit que ça dans son témoignage. Il fait aussi part d'un phénomène qui est très important à noter. C'est qu'il y a des blancs dégénérés qui se reproduisent en trop grand nombre. Oui. Le dysgénisme. Alors, qu'est-ce que... Les cassos. Bon, c'est quelque chose de... Bon, on a déjà parlé, je pense. Ça allait un petit peu partout. J'aimerais bien que notre auditeur, j'aurais bien aimé que notre auditeur nous ait indiquer le département, le ou les départements dont il s'agissait. Ah, tu penses tellement fort à la région de Toulouse. Non, alors pas, c'est pas exactement la région de Toulouse, c'est le Lot-et-Garonne, si tu veux. C'est particulier, c'est enfin, le Lot, le Tarn, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne. C'est pas vraiment Toulouse, parce que Toulouse, bon, c'est assez bon. Tu as quand même une race de... Comment dire, tu as de la bonne race en fait, hein, tu as des gens qui font tourner du Airbus, des trucs comme ça, c'est pas Toulouse, c'est sur l'ouest de Toulouse, et c'est là que ça pose problème. Agen. Voilà, j'aurais bien oh, ah, par exemple, hein, par exemple, oui, hein, ça, oui. J'ai appris récemment, alors bon, je sais qu'on a des auditeurs qui viennent de tous horizons, mais que la région d'Agen, notamment, a été sinistrée par des arrivages de pieds noirs, de rapatriés d'Algérie. Et tu avais beaucoup de gens qui avaient des noms bizarres. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion, ces dernières semaines, d'avoir beaucoup de noms bizarres dans ces coins-là. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait eu des rapatriés. Bon, tu as des jeux... Attention, hein. Que nos éditeurs ne se méprennent pas, tu as des rapatriés d'Algérie qui sont des gens de très bonne race. Hein, oui, bien évidemment. Absolument. C'est truc, oui. Hein, Non, toi tu parles des berbères de souche. Oui, je parle des gens qui ont des noms, ma foi, très louches. Hein, on a parlé de Gilles Lelouch tout à l'heure. Il y a une continuité là-dedans, si tu veux. Mais moi, j'ai trouvé cette continuité-là, malheureusement, dans Lot-et-Garonne. Et, apparemment, le Lot-et-Garonne a été un département qui a été très touché par sa fessière, qui était prioritaire à l'hébergement des rapatriés d'Algérie et plus y affinité. Voilà. Parce que tu as dû rapatrier les Français, n'est-ce pas? Des Alsaciens, par exemple, des Français de tous horizons, et tu as eu les, hein, voilà. c'est ça. Sinon, le courrier des lecteurs, il évoque un vrai problème des campagnes françaises, c'est le départ des gonzesses pour les grandes villes. Pas forcément des gonzesses de mauvaise qualité, hein, on peut en avoir des très bien. Après, c'est juste une question d'opportunité professionnelle. Vu qu'on vit dans un monde où il est impensable, une sorte de barrière mentale pour une jeune femme de s'imaginer femme au foyer, avec un mari qui travaille et puis elle s'occupant des enfants et de la maison, bah, t'es obligé de partir parce qu'il n'y a pas de job. Donc une nana qui se démerde relativement bien à l'école, qui a envie de faire des études, même si elle n'est pas forcément très très brillante. Enfin, je pense que n'importe quelle greluche maintenant à bac plus 5. Peut-être pas n'importe laquelle non plus. Il y a encore des BEP coiffures. Oui, on distribue quand même les diplômes aux nègres, donc effectivement. Oui, à tout le monde, et sans raison valable. Enfin, moi j'ai. Il y a des bac plus 4, bac plus 5 qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Hein. Ça existe. Oui, non. Enfin bon. Ouais. Quand, pour une jeune femme, t'as pas forcément de perspective professionnelle dans ces coins-là, à part. Ah bah oui, c'est sûr. Effectivement, pourquoi pas. Et c'est d'ailleurs tout à fait louable de devenir coiffeuse ou infirmière à domicile. Ou, voire pire, laver le cul des vieux. Pourquoi pas devenir... secrétaire à mi-temps dans la boîte de ton mari. Tu vois, il y a quand même très très peu de perspectives. Donc forcément, les nanas se barrent. Et du coup, vu qu'il y a un déficit de nanas, elles peuvent prendre une forme d'ascendant. Alors, c'est pas le cas de toutes les gonzesses, oui, évidemment. Oui, elles prennent l'ascendant sur les mecs, et puis forcément, elles font jouer de leur valeur, même si elles n'ont pas forcément une intrinsèque. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, pour réattirer ces nanas dans ces milieux, parfois elles y reviennent. Et généralement, ça a 30-35 ans, quand elles ont pas mal bourlingué en ville, et quand elles veulent se retrouver une solution, on va dire, de un plan B, hein, où un provider, quoi. Ouais. Ouais, voilà, elles vont se trouver un bon pigeon pour revenir, ouais, parfois accompagné d'un petit métèque voilà. Qui sera nourri par un brave gaulois qui gagne sa vie à la sueur de son front. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand vous voyez une nana jolie de 30 et quelques balais qui arrive avec son mulâtre pour trouver un pourvoyeur, hein, barrez-vous de suite. Vous n'avez rien à gagner là-dedans. Ah si, des factures. Oui. Un divorce et la perte des dettes, de... des dettes peut-être. Ouais. Plus la visite du père biologique contraint et forcé peut-être. Voilà, il est franchement. Et tu sais, le type, il revient 2 ans après. Je t'ai toujours aimé. Puis tu sais, il poignarde tout le monde dans la maison, etc. Mais moi, je lis les faits divers assez régulièrement. Vous savez, oui. Dans les régions. Ça s'appelle la France. Oui, c'est effectivement. Mais tu vois des faits divers horribles. Et puis tu sais, des fois, il y a des photos. Alors tu vois des traces de sang qui giclent. Enfin, tu sais, des giclées de sang sur les murs séchés, des trucs là. Puis tu sais, t'as le récit de l'affaire, et puis c'est des trucs vraiment sinistres, c'est genre, une femme divorcée, qui s'était remis à la colle avec un autre mec, le mec c'était un arabe, et puis finalement elle avait laissé tomber, elle était passée à autre chose avec un autre mec, l'arabe il est complètement fou, et puis hop, il surgit 6 mois plus tard, tu sais pas de pourquoi, il a un couteau de boucher, il essaye de planter, il plante pas le bon, c'est... Faut voir ce qui se passe en France, quoi. Je veux dire que ce soit au Pays Basque, Montpellier, c'est incroyable. Non, mais il se passe qu'il y a l'Algérie en France. Voilà, il se passe qu'il y a l'Algérie française ou l'inverse. Hein, on sait plus trop. On sait pas. Hein. Non. On a commencé avec l'Algérie. On a commencé. Oui. Il y a l'Algérie dans le cœur des Français. Enfin, dans la tête. Ah, je sais pas tellement ça. Bah, moi, je reste convaincu d'un truc. Je pense que les Français, dans leur immense majorité, n'aiment pas les Arabes. Oh, c'est normal. Ah non, oui, non, mais c'est pas. Oui. Non, mais je. C'est pas comme le nègre. Je veux dire, c'est pas comme le nègre. Le nègre, il y a une sincérité dans l'amour du nègre, alors qu'en France, les Arabes sont pris comme des gens dominateurs. Je pense que tu es très optimiste, cher Gandalf. Le français n'aime pas l'arabe quand l'arabe ne vient pas te cracher frontalement à la gueule. Mais s'il te crache à la gueule, enfin, s'il crache sur ta fille à la gueule, ou s'il crache sur ta fille directement, ben là, écoute, ça passe. Parce que, hein, quand même, France. Ah, oui, patrie des droits de l'homme, effectivement. Histoire commune, j'ai envie de te dire. Hein, histoire commune, oui, 130 ans déjà au compteur. Oui, beaucoup, oui. Non, disons que les Français peuvent tolérer les Arabes quand les beurettes ne portent pas le voile, ont des jolis décolletés et sont très avenantes. Ouais. Pour synthétiser. Alors, tu connais beaucoup de beurettes très avenantes, toi? On essaie quand même de nous en vendre quelques-unes. Tu en as quelques-unes. Attendez, on se comprenne bien sur les termes. Quand je dis très avenante, c'est-à-dire c'est une beurette polie, courtoise, gentille, etc. et qui... Ouais, non, mais en général. Vous envoyez souvent des gens comme ça? Non, en général, c'est pas une beurette. Si tu veux, ça peut venir de Liban, de Syrie, mais ça viendra pas du Maghreb. Ça peut pas aller rue quand même, les Libanaises en France. Je voulais parler de la guirousse que l'on nous vend très souvent, quoi. Hein. Voilà, quoi. Les beurettes émancipées et compagnie. Je sais pas. Moi, j'ai pas de modèle en tête. Moi, toutes les beurettes que je vois sont absolument obscènes. Elles sont une vulgarité, c'est incroyable d'ailleurs. Oh, bah, le Maghreb est très très majoritairement vulgaire. Non mais je vois, il y a pas de, peut-être, je veux dire, en toute bonne foi, je veux dire, et nonobstant l'appartenance raciale, moi je veux dire, j'ai pas souvenir d'une maghrébine qui aurait un peu la classe, qui serait se tenir un peu bien, voilà, qui est pas, non, elles sont toutes obscènes, vulgaires, intéressées, et puis elles le cachent pas, quoi, je veux dire. C'est la pudeur, la pudeur, c'est mythique. Je veux dire, oui, non, c'est quand tu penses que leur modèle de compétition, c'est Rachida Dati, c'est sûr que le si le modèle au lieu de Rachida Dati, c'était Asma al-Assad, ça serait différent. Ah, mais on n'est pas du tout sur la même planète. Non, parce que les Maghrébins, il faut souligner une chose, les Maghrébins ont été passablement... Oui, mais ils ont été passablement sémitisés par l'invasion islamique. Mais l'essentiel de la population maghrébine, surtout dans l'Algérie, c'est un samigondi de populations qui ont été charriées là par tout ce que vous pouvez imaginer, notamment durant le joug ottoman. En Algérie, ça s'appelait pas l'Algérie d'ailleurs à l'époque, c'était, vous savez, Alger était un bordel à ciel ouvert, on vendait non seulement des esclaves, mais c'était un foyer de la prostitution, c'était des gens qui aimaient beaucoup les esclaves femmes nordiques. Hein, tout à fait. Ça leur plaisait, ça. Hein. Tout à fait, ils faisaient même des raids jusqu'en Écosse. Oh, un peu plus loin, hein, un peu plus loin. Hein. Un peu plus loin, bah, c'est déjà pas mal l'Écosse. Bah non, c'était plus loin. C'était même plutôt le Danemark et l'Islande. Hein. Ah oui, non. Mais... Ah bah écoute, l'Écosse, c'était gentil. Vous avez déjà pas mal à la rame. Bon, maintenant ça va, ils viennent en avion. Ah bah c'est vrai, ils faisaient des raids dans la Scandinavie, hein, ces gens. Hein. C'est vrai qu'on a sérieusement dévié. On repartait donc sur les femmes qui ne vont pas dans les villes. Enfin, qui vont dans les villes parce que finalement elles s'ennuient dans les campagnes et on disait qu'il y avait des filles qui avaient un certain nombre d'heures de vol qui revenaient ensuite dans les campagnes pour essayer de trouver quelqu'un qui acceptait de pourvoir à leurs besoins matériels. Ben oui, parce qu'elles se sont rendues compte que finalement leurs études très souvent inutiles ont conduit à des bullshit jobs payés au SMIC plus 20%. Et puis, ben voilà, quoi, on va revoir les copains d'enfance, et puis on se rend compte que finalement, c'était des types qui valaient le coup. Et effectivement, il y a beaucoup de cas comme ça, de paysans notamment, ou même d'artisans, qui se mettent avec des gonzesses qu'ils ont connues très tôt, qui ne les regardaient pas forcément, et qui reviennent. Bon, alors ça peut s'expliquer par la psychologie... évolutive, une nana fait concourir les mecs, n'en trouve pas un qui puisse être le provider unique, et puis bah, le font baisser leur niveau d'exigence, et puis se trouve un brave type. Sur le courrier de notre auditeur, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Le phénomène du digénisme m'effraie assez, hein, je veux dire. Phénomène cassos. Que le cassos, en fait, ça crée, je veux dire, c'est un terreau biologique idéal, en fait, pour la bougnolisation mentale, en fait. Bougnolisation mentale et physique, c'est-à-dire que si tu as du matériel humain qui est. C'est blanc, tu vois, de manière phénotypique, c'est blanc, hein, tu regardes, mais tu lui fais écouter tu lui fais écouter n'importe quel morceau de rap. Ça va se mettre à bouger son fion. Voilà. C'est perdu. C'est mort. C'est mort, ce genre de truc. C'est mort. C'est de la viande avariée. Mais le problème, c'est que, le digénisme est criminel en France, je veux dire, la politique gouvernementale. Parce qu'on est sur des modèles de jadis, je veux dire. On est sur un modèle nataliste, là. Toujours en place, je veux dire. Hein, il y a des allocations. Une prime, en fait, à la natalité, hein, avec des avantages financiers très réels qui sont accordés par l'État au prorata du nombre d'enfants qu'un couple a. Et c'est un puissant encouragement, évidemment, à la natalité débordante de l'Afrique que l'État français nourrit chez lui. Donc déjà, au plan racial, c'est dysgénique. Mais à l'intérieur même de la race blanche, vous avez des gens qui, finalement, végètent dans leurs propres conditions, c'est-à-dire c'est des gens qui ne veulent pas s'extraire de leur situation merdique. On a tous connu, à l'évidence, dans notre environnement immédiat, ce qu'on appelle des cas sociaux. On en a tous, par obligation, connu. Je ne vais pas dire que c'est la règle, hein, c'est pas vrai. Mais ce sont des gens qui sont clairement des ratés, mais des ratés qui se complaisent dans l'échec. C'est-à-dire qui se nourrissent de l'échec. Et volent à leur secours ce qu'a une espèce dont je crois qu'on ne parle pas assez peu, qui est l'espèce des assistantes sociales, qui sont toutes, d'abord et avant tout, des assistantes socialistes, d'ailleurs, je pense qu'il faut le souligner, ça. Et qui, en fait, déversent des quantités énormes de subsides sur toutes ces populations grouillantes et parasitaires. Ce qui fait que, au sein, alors quand on sait tout ce que la France a subi de je veux dire d'épreuves d'hygiénique, je veux dire Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc., avortement de masse, enfin j'en passe et des meilleurs. Mais en plus de tout ça, en plus de l'immigration, en plus de la natalité africaine qu'on est en train de surbooster à coups de milliards d'euros ponctionnés sur les travailleurs français, il y a nos propres déchets ratios qu'on encourage et qu'on surencourage à végéter. Ça, c'est un vrai problème. Pour moi, toute la politique sociale française, c'est l'évidence, est à mettre au panier parce qu'elle est vraiment fondée sur le misérabilisme et, comme on l'a bien dit, comme on vient de le répéter là, elle est fondée sur le d'hygiénisme racial complet. Complet. Et il y a des cas hein, comme ça, ouais, non, mais ça de familles, fratries entières qui sont. Oui, nous avons des nègres blancs. Hein. Je suis désolé, mais ça existe. Cela existe. Donc le phénomène des white trash qui a exposé donc l'auditeur est très connu aux États-Unis. Quelque part, nous, on a une différence énorme par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on vit dans un État communiste, c'est-à-dire que même les gens qui sont les derniers des derniers. Eh ben ils survivent bien quoi. Je veux dire, les gens ils meurent pas de faim en France, donc ils ont quand même de quoi survivre. Ils seront toujours dans leur petit appart, on les virera pas pendant la trêve hivernale. Ils auront pas de soucis à se nourrir et puis ils auront internet au débit et Netflix quoi. Parce qu'il y aura des allocs, le chômage, ce que vous voulez quoi. Non mais ce que raconte Pierrot est extrêmement vrai, c'est-à-dire que tu as un appartement que tu veux récupérer pour raison X ou Y. Tu l'as payé le truc. Tu veux le récupérer, le type il veut pas se barrer, t'en as pour 3 ans avant de récupérer ton appart. Si le type veut pas se barrer, tu en as pour 3 ans avant. Tu en as, c'est pas à peu près, hein, cher Gandalf. C'est 2 ans et demi, je crois. Tu en as pour 2 à 3 ans pour récupérer ton appart. Voilà. C'est la signification de la propriété privée en France. C'est pas ça, non seulement ça, mais ces gens-là ne sont pas fichés. Il n'y a aucun fichier. Non. C'est parce que. Le fichage, parce que l'État quand même veille, si tu veux. Le fichage, c'est méchant. Il faudrait pas qu'il y ait de. Alors, hein. Ça dépend pour qui. Oui, les blancs racistes, les blancs qui font des enfants avec des blancs. Sauf s'ils sont à moitié tarés. Oui, là ça va. Mais ils ne sont pas fichés. Si, ils sont fichés. Ils sont dans des fichiers. Oui, mais les fichiers permettent de faire rentrer l'argent. Oui, c'est ça. En organisant insolvable. D'ailleurs, il faut voir un truc. Dans les coins, il y a des cas sociaux. Vous postez à minuit une un jour de rentrée des allocs près des distributeurs. Mm-hmm. Vous allez voir des gens qui continuent à toucher les subsides tout en se déclarant insolvables. Ils retirent tout le pognon qu'ils peuvent en liquide le jour où ils reçoivent les allocs, et après, on est insolvable, donc on peut continuer à s'endetter, à ne pas payer EDF et compagnie, enfin EDF, si tu veux, c'est le premier truc sur lequel ils se mettent pour avoir une localisation dans un logement qu'ils ne sont pas. J'insiste, des bougnoules, des nègres, des pakistanais, des érythréens, de n'importe où, peuvent squatter n'importe quel appartement, j'insiste, n'importe quel appartement. Vous partez en vacances 15 jours de chez vous, les mecs arrivent, en 3 jours, ils sont chez vous, chez eux. C'est ça. Chez eux. Ou l'inverse, comme vous voulez, parce que la loi l'indique. La loi indique que au bout de 3 jours, si vous êtes le gars appelle EDF, il dit je suis chez moi, j'ouvre un compteur, etc. Il paye pas, peu importe, il est chez lui. Et vous rentrez en vacances, vous êtes baisé. Vous rappelez de cette fameuse mesure marxiste, oui, stricte, hein, c'était on a parlé de c'était le droit au logement opposable qui a fait passer Chirac. Oui, Chirac et Alliomarie, le chêne, n'est-ce pas, le chêne. Le gaullisme. Non, mais il faut rappeler le crime de cette droite en juivet, quoi, parce qu'on dit toujours Chirac, Chirac, etc. Mais putain, le mec était un communiste. Il a signé l'appel de Stockholm. C'est pour vous dire quand même. Non, mais tu dis était un communiste. Il est toujours communiste. Enfin, il a perdu la boule entre temps, mais bon. Si nous étions un pays libéral, les mauvais payeurs, il y aurait un fichier dans lequel ils seraient répertoriés, et puis on ne pourrait, enfin, si, on pourrait leur louer, mais avec un prix plus élevé, les loyers, éventuellement. Bon, ils ne paieraient pas plus, mais bon, oui. Mais bien sûr, enfin, excuse-moi, Gandalf. Quand tu es dans un régime libéral, les gens qui n'ont pas payé leur loyer précédemment et qui sont partis en mauvais terme, tu pourrais leur louer un loyer qui soit supérieur. Ça n'est pas le cas. Je vois ce que tu veux dire, mais ce que je dis, c'est pas le cas. Si ce sont des mauvais payeurs, ils seront mauvais payeurs jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc c'est ça que je voulais dire. Oui, non, mais tu as des mauvais payeurs qui tu as des mauvais payeurs qui n'ont pas d'argent. Oui, non, mais tu restes dans un schéma. Schéma colonialiste, cher Gandalf, excuse-moi. Je connais très, très, très, très directement des cas de gens qui ont du pognon, qui ne quittent pas l'appartement parce qu'ils ne veulent pas se barrer et parce que ça leur convient, ils ne se barreront pas sans que la justice ne vienne pas les déloger. Ah oui, tu veux dire des squatteurs endurcis Non, c'est même pas des squatteurs, c'est des gens qui étaient là en bail. On leur a dit non, mais les gars, c'est très bien, votre bail est terminé, c'est terminé. Oui. Mais non, ils partent pas. Alors ils continuent à te payer une espèce d'un truc qui s'appelle une allocation ou une indemnité de ci de là, mais c'est enfin, voilà, ouais, il y a des cas ouais. Tu l'as dans l'ancien. Il y a pas de, c'est-à-dire qu'une fois que tu les as, expulsés, il y a pas de fichier, c'est-à-dire que ils, non mais j'ai une question, vont continuer, ils vont se remettre dans une agence, une agence qui va revenir, c'est un marketing là-dedans, J'ai une question, parce que je suis pas familier de ce point-là, mais je pense que c'est pas le cas. Mais une fois que les clients sont expulsés au bout de 3 ans de procédure par la force publique, sur décision de justice, il n'y a pas de sanction, je présume, contre celui qui s'est rendu coupable de ça. Tu n'as pas eu de loyer, admettons. Tu peux pas récupérer ton loyer, si, non? Tu peux essayer, hein? Bon, voilà. Non. La Banque de France, voilà. Bon courage. Ouais, voilà. Oui, non, ces gens ont organisé leur insolvabilité. Tu rêves, là. Alors qu'aux États-Unis, j'y reviens, hein, mais dans le même cas, les gens, ils sont expulsés, et c'est triste pour eux, mais ils meurent, quoi. Voilà. Oui, c'est triste pour eux. C'est la charité. Le droit de propriété existe. Oui, voilà, le droit de propriété existe. C'est un pays où le libéralisme économique est un tant soit peu existant. Un tant soit peu, parce que c'est pas idéal non plus. Mais bon, ça existe un peu. Oui, d'ailleurs, on devrait parler des APL. Parce qu'en plus, ces gens ne payent pas leur loyer, tout en sachant qu'ils bénéficient d'aides qui sont quand même... qui peut être très importante. Oserions-nous dire que les APL sont très généreusement déversés sur des populations précaires qui louent des appartements aux boomers, qui louent eux-mêmes les appartements à prix adaptés à leurs locataires, qui reçoivent des subsides de l'État? Hein, oui, tu veux dire que oui, on en fait, on veut dire que les locations sont subventionnées par l'État, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est-à-dire que les prix des locations sont surélevés. Hein, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens au niveau du marché libre, et que l'État vient là pour filer du pognon à ces pédés de boomers. Oui, j'ose le dire. Oui, donc in fine, celui qui va payer, c'est le jeune qui n'a pas possibilité d'accéder à la propriété parce qu'il ne peut pas emprunter, qui va payer son loyer plein pot parce qu'il bosse juste assez pour n'avoir aucune aide. C'est lui qui va payer. C'est lui, il est perdant des deux côtés. Il se fait enculer par le boomer et il se fait avoir, évidemment, que ce soit par les white trash ou par les metech. Le mec est doublement dans... Il se fait consumer par les deux bouts. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose, Derek? Non, je enfin, vraiment, cette histoire de boomer me tient à cœur, si tu veux. C'est-à-dire que tu vois des gens, des rats, si tu veux, qui sont propriétaires de logements, qui sont aussi propriétaires de multiples logements étudiants, dans des coins généralement très, très énormément peuplés de nègres. Hein. Alors, ça va être à Noisy-le-Grand, ce genre de truc. Quoi. Ou à Marseille, tu vois, à Saint-Jérôme, hein, pour ceux qui connaissent. Ça va te louer ça à prix d'or. Pourquoi ? À des étudiants. Pourquoi ? Parce que l'État vient pourvoir. Il vient compléter le loyer des étudiants. Ben parce que ces gens-là aient une retraite. Non, c'est pas une retraite, est un train de vie. Hein, qui soit, à ma foi, très. Très dispendieux. Hein. Ce sont des gens qui vivent très bien et qui continueront à très bien vivre jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. Alors, peut-être brièvement, je vais quand même citer cet article d'Atlantico. Que Derek d'ailleurs avait porté à mon attention, qui s'intitule comme ceci: 50e anniversaire de l'homme sur la Lune, la génération la plus gâtée de l'histoire a-t-elle aussi été la plus égoïste? Un passage qui vaut quand même la peine d'être cité, voici, je vous le livre. Les boomers bénéficient aujourd'hui et durant de nombreuses années et souvent plusieurs décennies de retraites généralement confortables. 83% des retraités touchent plus de 1000 euros par mois quand le SMIC est à 1200 euros net et que les retraités n'ont pas d'enfants à charge et sont souvent propriétaires de leur logement, donc ne paient pas de loyer, alors qu'eux-mêmes ont connu un ratio cotisant-retraité de 4 pour 1 en 1960 contre 1,7 pour 1 aujourd'hui, c'est-à-dire que les actifs actuels paient presque 3 fois plus pour leurs aînés que ces aînés n'ont payé pour les leurs. On peut dire que les actifs, aujourd'hui, sont exploités par les boomers, dont les retraites sont payées par des gens qui ont un niveau de vie inférieur au leur, une situation que les boomers eux-mêmes n'ont jamais vécue. Intéressant à observer, ça, vous faisiez mention, bon, on a un peu dévié par rapport au sujet d'origine, mais enfin là, on parle des propriétaires de résidences secondaires, éventuellement de ceux qui louent. Je ne veux pas faire de généralité, bien sûr, mais c'est quand même un point intéressant d'observer. Ce sont les mêmes. Hein. Oui, il faut voir quand même qu'entre le revenu en fait, du retraité moyen aujourd'hui en France n'est pas très éloigné, alors je ne vais pas dire que c'est le même non plus, mais n'est pas très éloigné de l'actif, et qu'effectivement, comme l'a dit l'article, un actif aujourd'hui paye pour les retraites pratiquement trois fois plus que ce que les retraités actuels ont contribué en leur temps pour leurs aînés. Oui. Pour une raison simple, hein, la pyramide démographique. Donc Tout en sachant que la plupart des types qui raquent savent très bien que le système de répartition n'est pas tenable. C'est un système de Ponzi. Donc les jeunes commencent à avoir un petit peu ras-le-bol. Oui, c'est ce qui est indiqué un petit peu en filigrane de l'article. C'est-à-dire que tu as en fait des populations actives de notre époque qui financent des vieilles merdes, hein, alors que ces vieux, entre guillemets, à l'époque, avaient un système de... Quand ils ont installé leur système de retraite, ils payaient trois fois moins que nous. Voilà. Il faut quand même savoir. Enfin, bon, il faut le noter, quoi, parce que bon, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que même les jeunes de notre époque ne savent pas. À l'époque, les vieux, ça restait à la maison. Hein, ça mourait à la maison. C'était quelque chose. On gardait ça de manière. Oui, c'était familial. Enfin, il y avait une prise en charge familiale. Ouais, il n'y avait pas de croisière sur la Méditerranée. Oui, et puis tout ce qu'il y avait comme architecture, non, mais c'est sanitaire, pas ça, c'est... etc. Non, mais c'est pas. Oui, non, mais les croisières, si tu veux, ça a été fait par les boomers. Mais les boomers, ça a été la première. Enfin, bon, on reproche aux gens qui parlent des boomers, etc., de dire oui, non, mais vous êtes contre la transmission, vous êtes contre les vieux, etc. Quelle est la génération qui a foutu ses parents en maison de retraite, qui a créé la maison de retraite pour les foutre, enfin, pour les foutre dedans, quelle génération qui a foutu ses parents dans des mouroirs. Alors, même d'un point de vue purement macroéconomique, ça a posé problème, parce que les vieux ont des habitudes de consommation qui sont tellement plus généreuses que leurs cadets, que quand ces gens vont mourir, la consommation va baisser mécaniquement. Et tous les économistes sérieux le disent, ça va poser vraiment problème, parce que ces gens consomment beaucoup, mais une fois qu'ils n'iront plus dans les restos, une fois qu'ils ne s'achèteront plus une bagnole tous les 2 ans, la génération derrière, elle n'a pas du tout les mêmes moyens, elle consomme beaucoup moins, donc il va y avoir une chute qui va être drastique. Donc d'où la volonté de continuer à endetter les générations suivantes, avec de la planche à billets et compagnie. Alors je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Nous revoici, chers amis, pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 29. J'espère que cette deuxième partie sera aussi intéressante que divertissante et édifiante. Rubrique numéro 3, c'est une nouvelle rubrique qui s'intitule « Faits méconnus ». C'est une rubrique que je crois qui est utile, qui se veut courte, mais qui va simplement donner à nos auditeurs une information peu connue et qui leur sera utile dans leur conversation politique de tous les jours. Voilà. Si jamais ils en ont, quoi. Alors, fait méconnu de notre émission, le montant des investissements publics de la métropole française, donc, dans les colonies, dans la période s'étalant de 1945 à 1960, s'est élevé à 32,5 milliards de francs or, soit le double de l'aide américaine à la reconstruction versée à la France dans la même période, c'est-à-dire le double du plan Marshall. Ça a été cité notamment dans un article de l'Expansion qui date de 2003 et qui s'intitule « Les coûteuses colonies de la France ». Donc deux plans Marshall, de la part de la France, entre 45 et 60, au pire moment pour la France, parce qu'elle était de la guerre. De la métropole. Hein. Oui, vers les colonies françaises, donc avant les indépendances qui seront finalisées dans les années 60. Quoi. Voilà. Oui, oui. Deux plans Marshall pour les colonies françaises. Et est-il bon de rappeler aussi que là, très récemment, le maire de Pointe-à-Pitre a été poussé à la démission pour. Pour gestion négrière hein, de sa ville. Parce qu'effectivement, bon, la ville est endettée à hauteur de plusieurs millions d'euros. Hein, parce que bon, c'est des centaines de millions, à mon avis. Ça doit être copieux, voilà. copieux. Ce qu'on sait et ce qui s'est passé, il y a encore c'est-à-dire un... C'est-à-dire que pour que le nègre ait été poussé à se retirer, oui. C'est que juré. La chose doit être particulièrement garnie. Hein. Voilà. Alors, bon, donc pour revenir à... Donc à c'est marron. Ces populations marron-là coûtent un pognon fou. Voilà. Ouais. Il faut se garder ça en tête. La colonisation, qu'elle soit africaine, qu'elle soit maghrébine ou d'outre-mer, mais quelque chose qui, au niveau de l'État, enfin, en tout cas au niveau du contribuable, ne rapporte rien. Elle va rapporter quelque chose au niveau des intérêts privés qui, effectivement, en général, savent accompagner leurs affaires de quelques subsides publics. Qui d'autre ? Oui, moi je trouve ça très intéressant. Alors, je pense qu'on n'apprendra pas forcément quelque chose aux auditeurs parce qu'ils sont au courant. Mais... Bah là, on met des chiffres, hein, donc c'est important. Hein. 32,5 milliards de francs or entre 1945 et 1960, l'équivalent de deux plans Marshall pour les colonies. Oui, le plan Marshall pour la France, je crois que ça devait être 2 milliards et demi de dollars de l'époque. Et encore, en fait, à la base, c'est un prêt. Hein. Simplement, le prêt n'a pas été remboursé parce que le franc s'est dévalué et les intérêts réels étaient négatifs, enfin quasi nuls même. C'était pas négatif, ils étaient quasi nuls. Donc, et c'est pas quelque chose qui a été gratuit. Hein. Ça a été fait dans une vision politique et pas seulement économique. Enfin bon, j'aime beaucoup les youtubeurs qui font de la vulgarisation historique. Il y en a certains qui sont très intéressants. Enfin, moi j'aime bien l'histoire et quasiment tous. Y compris les moins inféodés ou politiquement corrects, je le sens, je vois en eux la haine et la repentance qui intervient de façon plus ou moins insidieuse, plus ou moins implicite dans leur discours. Même des types qui font de l'histoire un peu spécialisée, de l'histoire militaire, où ça revient tout le temps, c'est insupportable, et je sens très bien que les types sont passés par des facs d'histoire et qui ont vraiment été détruits par le gauchisme, ça devient exaspérant. Parce que certains sont talentueux, hein, même si ils sont effectivement hantés par le gauchisme. Et à la fin de la guerre d'Algérie, les dépenses pour l'Algérie, donc qui représentaient trois départements, représentaient 20% du budget de l'État français. 20%. Oui. C'est absolument phénoménal. Alors ça n'a pas toujours été le cas. La politique sociale qui a été menée en Algérie a été menée sur le tard. Mais il y a un livre assez intéressant qui s'appelle Les vérités cachées de la guerre d'Algérie par Jean Sévilla, qui est sorti récemment. On peut penser ce qu'on veut du bonhomme, moi j'apprécie pas forcément, qui est une bonne synthèse sur ce qu'a été la colonisation algérienne, pourquoi on y a été, décision funeste, vraiment, quand on s'y intéresse, c'est de l'ordre du quasi-mafieux. On se rend compte que les politiques de l'époque ont plus ou moins laissé faire. À la base, c'était pour régler une question de dette. C'est connu, hein, la prise d'Alger, on y a été parce que un mafieux avait emprunté de l'argent à Napoléon. C'était le dé d'Alger. Hein. On a voulu esquiver la dette, ça ne s'est pas fait. On a perdu des avantages commerciaux sur des ports qui se situaient sur les côtes, qu'on avait en fait depuis l'époque de François Ier, puisque le sultan Soliman nous avait accordé ses avantages commerciaux en échange de l'alliance impie. Pour ça qu'on y a été. Donc ça c'est les racines de la colonisation, mais donc au départ c'est une prise de contrôle, mais après il y a eu le virage vraiment de la colonisation de peuple blanc, mais toujours été très modeste en fait. Ça s'est fait sur le tard, parce que c'était des terres très inexploitées, c'était très peu fertile, il a fallu faire beaucoup de travaux avec des pertes humaines énormes pour faire de ce trou à merde une zone fertile et un petit coin de paradis, mais ça s'est traduit par des morts de colons, hein. Des types qui mouraient du paludisme ou de malaria. Dans les années, je crois, 1870-1880, une dépopulation, parce qu'il y a eu des épidémies et une famine, des années vraiment noires, où la population a baissé de 25% sur l'ensemble du Maghreb, et y compris la population de colons. Et ce que disent les Algériens, c'est que c'est un génocide provoqué par les Français. Or, ça, c'est absolument pas le cas, parce que ça s'est passé partout. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu t'étudies un peu la période de la colonisation, la période active, où les Français ont commencé à descendre vers le sud et faire d'une colonisation qui était côtière une colonisation de peuplement, un type comme Bugeaud, qui était un dur, hein. C'est un soldat de Napoléon, un type qui a grimpé tous les échelons en passant de soldat à maréchal. Le type disait, ça ne vaut pas le coup d'y aller. Et il a rencontré Victor Hugo, et c'est Victor Hugo, donc le Victor Hugo de 1840, hein, pas le Victor Hugo qui est devenu beaucoup plus socialiste par la suite, qui lui a dit non, il faut continuer, vous vous plantez. C'est quand même assez hallucinant, parce que quand on pense que cette merde de Hugo est devenue la caution des antiracistes et des anticolonialistes, bon, ça fait rigoler. Et... Alors un peu moins récemment, parce que tu as vu que des Antillaises refusent de passer le bac si on leur soumet une épreuve avec Victor Hugo. Ouais, donc, ça change. J'ai vu ça, mais je pense qu'il y a pas mal de trucs qui vont sortir sur le personnage. Parce que bon, c'est quand même un personnage qui a quand même pas mal retourné sa veste, qui est passé par tous les courants politiques. Oui, le type il était républicain, royaliste, napoléonien, enfin il a tout été. Ouais, effectivement. Ouais, pas napoléonien sous Bonaparte, enfin le Napoléon III. Non, il était bonapartiste du premier empire sur le troisième. Ouais. Alors, et je vais quand même donner des informations complémentaires, puisqu'on est en pleine histoire coloniale de l'Algérie, et vous allez voir que ça va jouer un rôle dans la discussion qu'on va avoir sur des événements récents un peu plus tard. Alors, donc informations complémentaires, fait méconnu. En 1962, donc la France alléguée à l'Algérie un héritage, assez considérable, voici ce que je vous livre, à savoir 54 000 km de routes et pistes, 80 000 avec pistes sahariennes, 31 routes nationales, dont près de 9000 km étaient goudronnées, 4300 km de voies ferrées, 4 ports équipés aux normes internationales, 23 ports aménagés, dont 10 accessibles aux grands cargos et dont 5 qui pouvaient être desservis par des paquebots, 34 phares maritimes, une douzaine d'aérodromes principaux, des centaines d'ouvrages d'art, ponts, tunnels, viaducs, barrages, etc., des milliers de bâtiments administratifs, de casernes, de bâtiments officiels, 31 centrales hydroélectriques ou thermiques, une centaine d'industries importantes dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de la cimenterie, des milliers d'écoles, d'instituts de formation, de lycées, d'universités, avec 800 000 enfants scolarisés dans 17 000 classes. Un hôpital universitaire de 2000 lits à Alger, 3 grands hôpitaux de chef-lieu à Alger, Oran et Constantine, 14 hôpitaux spécialisés. Regardez, 14 hôpitaux spécialisés et 112 hôpitaux polyvalents, soit le chiffre exceptionnel d'un lit pour 300 habitants. Sans parler d'une agriculture florissante, laissée en jachère après l'indépendance. Voilà. Parce que tu disais, oui, cher MacGyver, que donc ça, l'Algérie investissait en 1960 20% du budget de l'État français. Alors, ce qui est quand même terrible sur l'Algérie, c'est que ça n'a pas toujours été des régions fertiles, mais quand tu y mets du travail, ça peut le devenir. Oui. Ce pays est quand même passé d'une agriculture typiquement méditerranéenne, florissante. Parce que travailler, enfin irriguer, voilà, hein, enfin il y avait des vignobles, ces régions étaient riches. Donc on est passé de ça à un État socialiste qui doit importer son coulis de tomates pour faire le couscous. C'est ça. Alors que les tomates, ça pousse relativement facilement. Donc ces types, tu n'as oublié quand même le principal qui est le Sahara. Qui n'a jamais été algérien, qui est une manne pétrolière absolument surréaliste, et qui sert maintenant à faire reproduire du petit algérien à la chaîne. Enfin, c'est du dysgénisme au cube. Oui, mais pour le coup, c'est quand même la France qui, enfin, je veux dire, c'est quand même la France qui est responsable. Enfin, je veux dire, la France a fait n'importe quoi une nouvelle fois. Mais quoi. C'est une décision. Ouais, c'est déjà Charles de Gaulle qui a laissé pisser le. Non, lui, c'est-à-dire que Charles de Gaulle a voulu se débarrasser du boulet algérien. Oui, et puis bon. Ce qui lui est reproché jusqu'à ce jour par certains de nos camarades, hein, je veux dire, qui disent qu'il fallait garder l'Algérie française parce qu'on limitait la casse. Oui, certains de nos camarades qui voulaient garder l'Algérie française ou la France algérienne, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient en fait. Non, il y a des gens qui disent. Qui sont de la tradition, surtout les descendants de pieds noirs, qui disent si on ne garde pas l'Algérie française. On aura la France algérienne. Mais ça, ils le disaient déjà à l'époque de la guerre d'Algérie. Alors bon, ça, c'est leur proposition politique, si tu veux. Mais je la rappelle. Oui, alors c'est intéressant, en fait, parce que comment se fait-il que ces gens qui veulent à tout prix être indépendants, qui crient sans arrêt « One, two, three, viva l'Algérie », à la base, le slogan, c'est « We want to be free, viva l'Algérie ». Ça s'est transformé avec le 1, 2, 3, mais à la base, c'est « nous voulons être libres ». Ces gens vivent quand même au crochet de la France, qu'ils détestent. Enfin, faut bien vous rendre compte que l'hymne algérien glorifie les guerriers de la liberté que sont les félagas. Hein. Ouais, je crois qu'il y a un couplet, c'est « nous tirons à la mitrailleuse sur les Français » ou un truc comme ça. C'est dans l'hymne algérien. Nos concitoyens français de race blanche ne savent peut-être pas, mais nous payons le pétrole algérien plus cher au prix du marché mondial. C'est étonnant, une telle bienveillance. Et vous rappelez lors des troubles. Le pétrole algérien est meilleur, tu vois. Donc, vous rappelez, lors des troubles récents en Algérie, enfin les troubles de cette année, quoi. À quel point le pouvoir français avait été quand même effrayé d'imaginer un scénario catastrophe, c'est-à-dire de révolution violente qui aurait inévitablement déstabilisé la France. C'était intéressant. C'est une évidence. veux dire, d'ailleurs, à chaque fois qu'un événement politique va se passer en Algérie, on aura la répercussion en France. C'est ah bah, on vient d'en avoir l'expression la plus radicale ce week-end, et on va en parler un peu plus tard. Oui, et puis, quand il y a eu la guerre civile en Algérie, dans les années 90, entre le DRS et les islamistes, on a eu sa version satellitaire en France. C'est évident que quand visiblement le clan Bouteflika s'en est tiré par plus ou moins par une pirouette, ça va pas durer, parce que ce pays est absolument invivable. Je veux dire, parce qu'ils ont également leurs boomers, hein. Les boomers, ce sont les anciens combattants, avec une population jeune, trop jeune, qui n'a aucune perspective, si ce n'est celle de vivre en France, en le crachant à la France tout en lui soutirant de l'argent. Ouais. Le tout alimenté par les vieux qui, d'une part, demandent des retraites en France, qui continuent à toucher après leur mort. Et là, je crois que c'est la députée, comment elle s'appelle, Valérie Boyer, qui a lancé un... Ouais, elle est en vrai. Je crois qu'il y a une enquête parlementaire qui va être qui pourrait être ouverte, je sais pas si c'est à Alger, ouais, effectivement. Oui. Qui n'aboutira à rien, bien entendu. Oui, je n'imagine pas. On sait très bien comment ça va se passer. Tu vas avoir un mouvement qui viendra à la fois du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, oui, pour réclamer des réparations. Des réparations. Et ça y est, vous n'avez peut-être pas suivi cette affaire, c'est bien que tu en parles. Au Parlement, là, il y a un projet de loi qui est en préparation, qui vise justement à faire qualifier par le gouvernement algérien de crime la colonisation française. Alors, je ne vais pas donner mon opinion, mais c'est pas mon opinion là-dessus compte pas, mais simplement, j'ai quand même rappelé... l'ampleur du crime en 1962 quand la France a quitté l'Algérie. Vous savez, bon, il y a des colonies qui se sont retrouvées indépendantes d'autres puissances coloniales, si vous voulez, qui n'avaient pas ces infrastructures, hein. D'accord, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir démarrer en tant que jeune État avec l'infrastructure routière, l'infrastructure sanitaire, l'infrastructure administrative. Qu'ont reçu les Algériens pour commencer leur vie nationale. Et ce à quoi on assiste, et je pense qu'il faut toujours, surtout pour en direction des Français, les Français doivent le faire de manière récurrente, doivent toujours comparer l'attitude des, on les appelait les Indochinois à l'époque, mais des Vietnamiens, de rapport du Vietnam à la France, et du rapport de l'Algérie à la France. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe, parce que là, on voit que c'est racial. On voit d'un côté des Vietnamiens qui, depuis très longtemps, sont passés à autre chose. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils se sont battus, pour le coup, comme des lions pour avoir leur indépendance. Ils l'ont obtenue. Bon, on pense ce qu'on veut, hein, du Vietnam actuel, du système politique, qui est quand même dominé par le Parti communiste, mais... ils ont obtenu leur indépendance et puis ils sont complètement passés à autre chose. On n'a pas l'ambassadeur du Vietnam à Paris qui fait régulièrement des spasmes pour cracher à moitié sur la France tout en voulant avoir toujours plus de blé, et dès que le président a un pépin de santé, vite vite on l'amène à Paris en jet privé pour le soigner, vous comprenez. Les Algériens font ça. Et ça traduit tout de ce qu'est cette vermine. Je suis désolé, je veux dire, les Algériens, il n'y a rien de mieux que d'écouter leur gouvernement pour savoir à qui on a affaire. Moi, ça ne me dérange pas qu'un peuple qui a été colonisé garde, si vous voulez, en son fort intérieur, une rancune contre l'ancien colonisateur, admettons. Bon, ça fait 60 ans qu'ils sont indépendants. Je pense qu'ils ont d'autres priorités que de s'occuper de ce que pense la France. Non, c'est à l'ordre du jour au Parlement, ils vont... exiger de faire reconnaître la colonisation française comme un crime. Et pourquoi ils le font ? Bah, évidemment, on a affaire à des bougnoules, donc l'histoire, c'est encore quoi ? C'est du pognon ! Donc, j'établis le rapport avec ce que tu disais, cher MacDav. L'idée, c'est encore d'aller faire les poches du gouvernement français, en sachant que les Français ont été tellement radins en acceptant 5 ou 6 millions, si c'est pas 7 millions d'Algériens, à nos crochets en France. Hein ? C'est pas encore assez. Je veux dire... on la paye au quotidien. La colonisation française en Algérie, avec la présence de ces parasites sur le territoire français, ça nous coûte suffisamment cher. Eh ben, pas encore assez. Il y a encore ces gueules puantes qui viennent à la charge et qui viennent demander du pognon. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce peuple ? Qu'est-ce que c'est que ce peuple ? Bah, c'est des vieux, là. Le pire dans l'affaire, c'est la pire. Bon, d'accord, c'est des rats, on le sait. Mais le pire, c'est l'attitude des politiciens français, qui n'ont même pas, d'abord, la dignité élémentaire pour dire à ces gens d'aller se faire foutre, je veux dire. On a un Macron qui est mielleux. Et pourquoi c'est comme ça ? Mais parce que non seulement on en a fait rentrer, mais on continue d'en faire rentrer. C'est-à-dire que les politiciens continuent d'en faire rentrer. Surtout ceux qui veulent se faire réélire, si vous l'observez. Et maintenant, à chaque présidentielle, faire un voyage à Alger, c'est devenu incontournable. Donc, les politiciens français de cette république pourrie en sont réduits à remercier des bougnoules de leur cracher à la gueule, mais en plus de se faire soutirer du blé, en plus de les accueillir et en plus d'aller demander, comment dirais-je, d'aller mendier la bienveillance des électeurs algériens à Alger. Voilà là, le bilan de la décolonisation française, le bilan. Ah, et à cela, on rajoute aussi que bon, les bougnoules étant ce qu'ils sont, depuis leur indépendance, le clan Bouteflika gère très très mal le pays, hein, c'est la merde. Les jeunes, ils ont pas d'avenir, niveau perspective, en fait, leur seule alternative, finalement, c'est de dire, bon, allez, je vais aller escroquer ces enculés de Français, et aller en Europe. Et vu que le pays est très mal gouverné, bah, parce que gouverné par des bougnoules, bah, le gouvernement, en fait, depuis plusieurs décennies, en fait, il ne vit que grâce à l'histoire passée, que finalement, grâce à la revendication, à la haine envers les Français, envers l'ancien colonisateur, qui doit être responsable de tout, et ça fédère le peuple, et ça permet finalement au gouvernement d'avoir une unité et pas trop de remous, parce que sinon les gens pourraient commencer à se poser des questions et à se révolter, voilà. Donc tout ça quand même, ça, tout ça est très cohérent en fait, hein. Et les Algériens du coup qui viennent en France, que tu as mentionné Gandalf, oui, il faudra pas s'étonner s'ils ont pas trop de reconnaissance par rapport à tout l'investissement qu'on a fait envers l'Algérie. Non, ils y vont pour nous piller, comme ils ont toujours fait. Bah, c'est un peuple de pillards, c'est oui, parfaitement logique. On peut pas en vouloir à un bougnoule de fonctionner comme un bougnoule. Jadis, ils pillaient les côtes et violaient les blanches, avait des activités de piraterie depuis le Moyen Âge, hein, pendant très très longtemps. Oui, il y avait, depuis le Moyen Âge et très récemment, sur les côtes françaises, les côtes provençales, si tu as des cités qui ont des, tu as de nombreuses cités fortifiées, ça n'est pas pour rien. C'est-à-dire que jusqu'au 19e siècle, tu avais des razzias, hein, des tu avais des espèces de bougnoules algériens qui venaient prendre de la femme, hein, voilà, sur les côtes. Et maintenant, ils viennent, mais ils repartent plus. C'est la grande différence. Bah, ils repartent plus, ils te pillent. Maintenant, ils sont très bien accueillis. Tu les entretiens, quoi. Voilà, maintenant, déjà, ils sont très bien accueillis. Tu vois des nanas qui arrivent, qui font des danses à leur honneur, hein, quand ils arrivent, et puis qui font en sorte qu'ils ne repartent plus parce que Faudé est un mineur. Non, ça c'est un peu plus bas. Oui, plus bas. Alors, les amis, je vous propose de passer à la rubrique suivante, qui c'est la rubrique numéro 4, la traînée de la semaine. Faut qu'on en parle quand même. Marion Maréchal Le Pen, ex-Le Pen. C'est le Huffington Post qui en parle. N'interviendra pas devant des catholiques identitaires. Elle devait participer à l'université d'été de l'association d'extrême droite Academia Christiana, qui s'affiche anti-lobby LGBT et anti-Soros. Les universités d'été, c'est compliqué avec Marion Maréchal. Soit on ne veut plus d'elle, soit c'est elle qui ne veut plus. L'ex-députée du Rassemblement National a renoncé à intervenir fin août devant un mouvement de jeunesse catholique traditionnaliste et identitaire, indique l'AFP ce jeudi 18 juillet, confirmant une information de l'opinion. La nièce de la présidente du RN, Marine Le Pen, qui dirige une école de sciences politiques à Lyon, devait s'exprimer devant l'université d'été d'Academia Christiana, prévue du 19 au 25 août à C, dans l'Orne. La jeune femme, qui s'est exprimée à plusieurs reprises en faveur d'une union des droites depuis la déroute des Républicains aux élections européennes, au point d'agacer certains dirigeants du Rassemblement National, n'a pas précisé les raisons de cette annulation. Selon son entourage, elle a plusieurs autres projets pour la rentrée politique, mais rien de défini pour le moment, a ajouté la même source. Fondée en 2013 par des jeunes proches de la mouvance identitaire, Academia Christiana est une association d'extrême droite qui promeut une troisième voie entre le mondialisme libéral et l'altermondialisme marxiste. Selon l'opinion, le cercle élargi de Marine Le Pen, de Marion Maréchal, lui a soufflé de ne pas se rendre à un événement s'affichant anti-lobby LGBT et anti-Soros, du nom du milliardaire américain devenu une cible de prédilection des nationalistes et des partisans des théories du complot en Europe et aux États-Unis. Marion Maréchal, au centre de multiples tentatives de recomposition politique à droite et à l'extrême droite, avait également été invitée à l'université d'été du MEDEF, devant le tollé suscité. L'organisation patronale avait finalement annulé le débat auquel l'ancienne élue du Vaucluse devait participer. Alors, pas de MEDEF, mais là, c'est parce que finalement, les macronistes ont dit que non, il fallait pas. En tout cas, certains macronistes. Enfin bon, elle avait quand même été invitée dans un premier temps, donc il y avait des portes qui étaient ouvertes et qui se sont refermées. Peut-être la porte est-elle tenue par Golnadel, hein, on ne sait pas bien. Et puis, elle devait participer à un événement qui est tenu par sa base naturelle, hein, qui est quand même... Enfin, base naturelle, je dis naturelle, parce que c'est quand même... ceux qu'elle courtisait en premier lieu, qui étaient les catholiques traditionalistes, eh bien, ils en sont pour leurs frais, puisque maintenant, ils sont trop anti-PD, trop anti-lesbiennes, trop anti-travelo, hein, LGBT, le T, c'est pour transsexuel, hein, et aussi trop anti-Soros. Là, Marion Maréchal Le Pen, elle aime pas trop qu'on critique Soros. Du coup, fini donc les interventions auprès de cette organisation. Ça évolue, hein, comme on dirait. Qui veut réagir? En vrai, je vais faire un petit mot quand même sur Marion Maréchal Le Pen, parce que bah, déjà, je représente moi-même... Anciennement Le Pen. Elle a fait les démarches nécessaires pour ne plus le porter. Voilà. Donc je représente le lobby catholique de démocratie participative. C'est ça. Voilà. C'est pour dire un peu le caractère extrêmement intéressé de cette bonne femme quand même, hein. Parce que bon, c'est quand même, ça casse pas trois pattes à un canard. Je veux dire, t'as quand même, elle, c'est une politicienne, donc elle aurait pu quand même pouvoir jongler avec tout ça de manière tout à fait habile. Elle est pas, moi j'aimerais bien qu'elle soit en mode, allez, on va reprendre Jérusalem, Troisième Reich, tout ça. Mais bon, elle le fera jamais. Mais elle aurait pu trouver une alternative tout à fait consensuelle, dire oui, bah finalement anti-LGBT parce que on est pour les valeurs traditionnelles, promotion de la famille, anti-Soros parce que on lutte contre la finance internationale, la patrie, ce genre de trucs, quoi. En fait, il y a 50 portes de sortie différentes, mais non, c'est déjà trop. Maintenant, elle ne peut même plus dire qu'elle est contre le lobby des PD et contre ce fumier juif qui est Soros, quoi, dire, c'est qui est indéfendable. C'est pas quelqu'un que j'ai envie de suivre, quelqu'un qui retient sa veste, tout simplement, parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, c'était vraiment une opération politique facile à faire. La prise de risque était quand même assez minime. Mais non, c'était déjà trop lui demander. Je pense que c'est juste une pierre de plus. Franchement, moi, je traîne un peu sur les réseaux sociaux et j'essaye de traîner de moins en moins, en fait, sur les réseaux sociaux, parce que finalement, les frontistes, quelque part, les gens qui suivent Marion Maréchal, ils me rendent fou, quoi. Dire, la nana, elle cumule quand même les casseroles, et non, mais jusqu'au bout, les types, ils vont te dire, oui, mais en fait, c'est un jeu de dupe, un intérieur d'elle, très profondément, elle est national-socialiste, mais, alors moi, je le pense pas une seule seconde, hein, mais quand bien même, quoi, on attend un responsable politique qui fasse des actes, on s'en fout de ce qu'elle pense intérieurement, de manière supposée au réel, d'ailleurs. Bah là, elle a posé un acte. Ah oui, bah elle a posé un acte, finalement, bah... Le LGBT, pourquoi pas, et puis Soros, pourquoi pas. Bientôt, elle fera peut-être une photo avec Soros, c'est possible, pour dire oui, finalement, on s'est mis d'accord sur... Oui, oui. Qui d'autre sur cette non-intervention. J'ai presque envie de dire à ce stade, sur ce boycott des catholiques traditionnalistes. Non-intervention, petit jeu de mots d'ailleurs. Oui, oui, oui, oui. Merci Pierrot de cette note que tu as fait, effectivement. Bon, nos chers amis catholiques et assimilés qui nous écoutent, chez qui cette putain est considérée comme étant la réincarnation seconde de Jeanne d'Arc après Marine Le Pen, hein. Je crois avoir raison, cher Gandalf, c'est ça? Il s'agit de Jeanne d'Arc numéro 3, c'est ça? C'est la troisième du nom. La première est sainte. Elle a été brûlée vive par les Anglais. La seconde couche avec un séfarade. Et la troisième se fait bourriquer par de l'espèce de machin à barbe brun d'un peu partout, de l'Europe du Sud. Alors, cette putain de Marion Maréchal a repointé le bout de son nez pour parler de troisième voie. Et puis, donc, elle bon, ça fait quand même quelques années qu'elle se fait passer pour une sainte, une fille. Là. Les cathos, divorcés, c'est pas grave. Se fait trancher par tout ce qui passe, c'est pas grave. Jésus, hein, très bien. Et puis bon, mais oui, mais là les cathos, chers amis, vous êtes quand même un petit peu encombrant avec votre, hein, vous ne voulez pas, vous avez un petit peu de mal à accepter l'avortement des fœtus, hein. Cachez-vous, hein, s'il vous plaît, cachez-vous. Oui. Oui, je suis Jeanne d'Arc, mais fermez. Hein, voilà, fermez-vous. Disons que c'est une Jeanne d'Arc qui a troqué sa bannière à fleur de lys pour le drapeau LGBT, quoi. Hein. C'est un peu... drapeau LGBT avec une bête de shérif. Une bête de shérif. Voilà. Alors, Magdav veut aussi s'exprimer, peut-être. Oui, qu'est-ce que... Qu'attendre d'autre d'une jeune femme divorcée de moins de 30 ans, une mère célibataire de moins de 30 ans? Oui. C'est, alors tu me poses la question à moi. Alors nous ici, on a été un peu. Tu peux poser la question si tu veux. Non, je pense qu'on n'a pas. Pas la même. Je pense qu'on a été à contre-courant totalement depuis le départ sur Marion Maréchal Le Pen, ex-Le Pen, pardonnez-moi. Je pense que au départ, on s'est pas trop intéressé à son cas. On était peut-être dubitatif sans excès, mais très vite, on s'est dit bon, de toute façon, non, ça c'est un problème. D'une manière générale, la famille Le Pen est un problème, hein, je crois qu'on l'a dit assez régulièrement. Mais là, c'est intéressant parce que finalement, c'était son cœur de cible originel, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'au tout départ, elle se présentait comme étant la porte-drapeau d'un conservatisme qui s'assume, d'un conservatisme branché, mais qui finalement, au fil des mois, et même maintenant au fil des années, devient un conservatisme sans conservatisme, en fait. C'est un nouveau conservatisme, oserais-je dire, c'est un néo-conservatisme, oserais-je même dire que c'est un néo-Cohen-servatisme, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, elle vient de dire que, oui, les LGBT, oui, la Gay Pride, oui, c'est ça, en creux, c'est ce qu'elle veut dire, hein, c'est la Gay Pride, je signe, les PD partout, je signe, les juifs, en plus, les juifs, attendez, Soros, je veux dire, qui est le milliardaire juif affilié au Parti démocrate, qui finance les bateaux de nègres qui se jettent sur l'Europe, que même Orban condamne, contre lequel Orban fait campagne, je veux dire, qui est un Premier ministre en fonction, Orban, comment dirais-je, qui pourtant parfois est prudent sur Soros, ne baisse pas la garde, etc. S'il y a bien un juif contre lequel il y a un consensus, c'est bien Soros, en tout cas à droite. Et Marion Maréchal, qui n'est élue à rien, qui n'est même officiellement candidate à rien, qui donc jouit d'une totale liberté de parole et de prise de position, se cache dans ses chaussons de peur de froisser les antennes de Soros en France, notamment médiatiques. Et de peur de froisser les types qui l'ont viré de la réunion du MEDEF, quoi. C'est ça, voilà. Bon. Et tu sens la psychologie de gonzesse, vraiment, quoi. Oui, et d'homosexuel aussi. Oui, oui, également. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas suffisamment bien voir dans le milieu qu'elle convoite. C'est ça. Parce que, voilà, jugée trop infréquentable. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout de suite, hein, c'est... Elle va essayer de redorer son image sociale. C'est une nana. Moi, je lui en veux même pas pour ça. C'est logique qu'elle fasse ça. Le problème, c'est un peu comme tout le phénomène des nanas hein, sur YouTube, sur Instagram et autres. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui se nourrissent de la misère sexuelle des gens qui leur donnent crédit. Parce que Marion Maréchal Le Pen, par elle-même, elle n'est rien. Je veux dire... Quoi, c'est un génie dans un domaine particulier. Non, est-ce qu'elle a une Elle n'est même pas élue. C'est une nana. Notez bien. Elle n'est même pas élue. Donc, en fait, en elle-même actuellement, elle gère soi-disant une école avec quelques dizaines d'élèves à Lyon. Bon, mais en soi, c'est pas ça fait une qualité. Voilà, une dizaine. Donc, en fait, quelle est sa force? En fait, sa force ne réside que dans une seule chose, c'est l'excitation sexuelle qu'elle génère chez des mecs qui, symboliquement et inconsciemment, la convoitent physiquement. C'est que tout son truc n'est bâti que sur son minois. Ça craint quand même, je veux dire. Comment peut-on être assez sérieux, et là je parle des organisations catholiques qui l'ont invité, comment peut-on être assez sérieux pour inviter ça pour parler de fond? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Donc, t'as raison. Moi, je suis pas du tout surpris de sa réaction. C'est une gonzesse, elle veut briller en société, elle veut un statut. Donc, elle va pas froisser ceux qui tiennent le pouvoir, à savoir les juifs et les PD. On est bien d'accord. Donc, niveau conviction, capacité de rébellion, etc. Bon, bah, ça, poubelle. Elle n'hésite pas, je veux dire, au premier soupçon de désaveu, comme ça s'est passé avec le MEDEF, à balancer ses supporters les plus fidèles sous le train, voilà, bon... à la Marine Le Pen, hein, je veux dire, on sent bien qu'il y a une filiation commune, voilà, mais tu as raison, ceux qui sont à blâmer sont les gens assez naïfs pour jouer son numéro d'allumeuse, voilà. Voilà. Oui, non, elle a eu son poste de députée, par hasard, elle l'a dit elle-même, je ne savais pas quoi faire, mon grand-père m'a dit, fais du droit, ça mène à tout, autrement dit, fais du droit, je te trouverai un boulot, comme j'en ai trouvé un pour ma fille. Elle a eu un poste de députée. Il se trouve que par hasard, ça a été l'unique député d'une part très très élevée de l'électorat. Alors c'était la députée d'une circonscription, mais les gens se sont reconnus en elle parce que c'était la seule députée de leur parti. Enfin, c'était avec Collard à l'époque, mais Collard je crois qu'il était même pas au FN. Donc moi je t'avoue que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt quand elle s'était fait élire en 2012... Parce que c'était la seule députée qui a représenté plus ou moins mes idées. Donc forcément, tu vois, j'ai dit ah ouais. Et bon, elle était jeune. Pour son âge, moi j'ai trouvé au tout départ qu'elle s'exprimait plutôt convenablement. Bon, il s'avère que son but, c'était bah, tout simplement de trouver un boulot. Elle a trouvé un boulot dans la politique, plus ou moins, enfin maintenant autour de la métapolitique. Je pense qu'elle en vit assez bien. Son but, c'est de trouver, je pense, un bon parti qui va faire vivre, voilà, très très bien. Plus un bullshit job qui sera subventionné soit par un tiers, soit par une assemblée de fans, de pourvoyeurs. Puis comme ça, bah, elle pourra continuer à faire comme sa tante, c'est-à-dire élever ses gamins dans une certaine opulence, et puis mener une vie de bourgeoise qu'elle a toujours été. Rien d'étonnant. Je voulais absolument venir sur le point que tu viens de parler, Magda. En fait, moi, je note une sorte de corrélation entre l'attitude politique lamentable de Marion Maréchal là, et de son public. C'est-à-dire, son public, c'est qui, en fait? Bah, c'est des cathos tradis. La couleur politique des cathos tradis, c'est pas tant qu'ils soient cathos ou tradis, c'est que c'est, en fait, avant tout, c'est les bourgeois. Voilà. Et comme tous les bourgeois, bah, la couleur politique du bourgeois, c'est avant tout la couleur de son portefeuille. Donc, ce sont des gens qui veulent pas prendre de risques, bah, comme l'attitude de Marion Maréchal, quoi. Des gens qui veulent surtout avoir un statu quo, dire bon allez, je suis un peu subversif, je suis un peu rebelle, mais alors finalement dans les faits, tout ça c'est juste de, c'est juste de la com en fait. Hein. Donc moi j'ai envie de dire, chers amis Cato Tradi, voilà. Bon, moi je suis Cato Tradi aussi, mais j'ai pas une thune. Mais vous, votre problème, c'est qu'en fait vous avez du pognon, vous avez de la bourgeoisie qui vous entrave en fait. Vous êtes prêt à accepter n'importe quelle bonasse arriviste du moment qu'elle met un petit peu de vernis, voilà, un petit peu de conservatisme sur ses jeans taille 36. Remettez-vous en question, parce qu'avec des nanas comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est l'impasse obligée. Qui d'autre? Je pense qu'elle en a pris pour son grade. Par contre, visiblement, enfin, il se monte une opération bizarre entre Buisson, Zemmour, de réunion de la droite, enfin, de refondation de la droite. Ouais, elle faisait pas plus ou moins droite, partie de l'équation. Mais visiblement, je pense que les types ont bien compris que c'était une nana qui cherchait à bouffer. Et c'est une trompette. Et visiblement, on est en train de l'évacuer de l'équation. Tant mieux, quelque part. Bah, Buisson, c'est pas certain. Non, ils pourront toujours la mettre sur la photo. Mais elle prétendait, jusqu'à une date très récente, elle prétendait à être la numéro 1. Alors, ce qui était complètement hors de propos, puisque je l'ai déjà dit ici, je le répète, Marine Le Pen, en dépit de tous les défauts qu'elle a, est une femme qui a un électorat derrière elle. Elle a quand même, au gré des élections, entre 20% et 25% de l'électorat qui la soutiennent. C'est une véritable force. Donc Marine Le Pen, indépendamment de sa condition d'héritière, arrive, en tout cas jusqu'à présent, on verra pour la suite, hein, mais arrive à maintenir à flot un parti politique qui est un vrai réseau d'élus, etc. Bon. Marion Maréchal Le Pen, enfin ex-Le Pen, anciennement Le Pen, Marion Maréchal, a contrario, est quelqu'un qui n'a que son nom et sa bobine. Alors ça peut faire illusion médiatiquement, mais ça dépend d'une seule chose, c'est que les médias vous soient ouverts. Et c'est là qu'on arrive à l'essentiel. C'est-à-dire que Marine Le Pen est dans une logique de dédiabolisation, ça vous le savez, donc c'est une logique de castration en fait intellectuelle et idéologique, mais c'est pas grave puisque Marine Le Pen n'a pas d'idéologie ni de conviction. Mais peu importe, elle a son parti, si bien que les juifs ne peuvent pas faire totalement l'impasse sur Marine Le Pen. Donc en fait, Marine Le Pen pourrait très bien se permettre de temps en temps des libertés sur le lobby juif ou sur le lobby homosexuel si elle le voulait, puisque aux élections, elle ferait toujours bon an mal an 20%. Donc voilà, les soirs d'élection, il faut quand même l'inviter, etc. Vous comprenez? Là, il y a une logique froide, mathématique, politique, institutionnelle, dirais-je. Marion Maréchal Le Pen n'est pas du tout dans cette situation-là. C'est quelqu'un qui est une bulle médiatique. Et si les Juifs disent « on n'en veut plus sur les plateaux de télévision », c'est terminé. Elle n'existe plus. Donc sa position est d'une extrême fragilité. Et elle peut avoir, dans l'opinion, un succès certain d'estime. Hein, elle peut avoir une excellente image dans l'opinion publique. Ça ne fait pas une force politique. Ça ne fait pas un réseau militant, ça ne fait pas une trésorerie, ça ne fait pas des appuis à l'étranger ou bien en France. Voilà, ça vous fait un succès d'estime. Bon, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'elle est si exposée, et c'est pour ça qu'elle est si, en fait, si obséquieuse à l'égard du pouvoir. Alors, face à la situation qui est la nôtre, on la décrit assez souvent, pas besoin d'y revenir, on y reviendra à l'occasion d'autres points dans l'émission ou bien dans ce qu'on a déjà fait en début d'émission, donc les gens savent à quoi s'en tenir. Mais je suis désolé, quoi. Sans être naïf, on a besoin de gens de conviction, on a besoin de révolutionnaires qui sont prêts à aller quand même, qui sont prêts à une certaine prise de risque. Si tu veux, cette nana-là n'a un potentiel politique que parce qu'elle peut trahir l'ADN voilà. de là d'où elle vient. Elle peut trahir son grand-père, elle peut trahir ses origines familiales. Si tu veux. Là, il y a une nouvelle maraude dans la République, Mécouille et compagnie. Ça va être de faire général Dreyfus, le général Dreyfus, le traître Dreyfus. Hein. Il était réhabilité, maintenant il va être général, avant qu'il soit maréchal. Eh bien, Marion Maréchal, pour le coup, a un rôle à jouer là-dedans. Il faudrait qu'elle crache sur la France et sur son héritage, et puis qu'elle vienne, dire oui. Dreyfus est général, oui, merveilleux, tout va bien, France, éternelle, etc. Éternelle, excusez-moi. Hein. Ça peut se passer, tu vois. Bon, on sent quand même le juif qui est derrière, qui est là, qui a envie de tout salir, tu vois, de souiller. Bon, bah, en fait, dans tout ça, parce qu'on dit, oui, son cercle élargi. Sans oui. jeu de mots. Oui. Son cercle élargi a considéré que bon. Il y a énormément de gens de droite parisienne. Hein, oui, non, enfin, donnez-moi surtout le numéro de téléphone du consistoire israélite de France, ça ira beaucoup plus vite. Je veux dire, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Je veux dire, qui a intérêt à dire oui, mais tu comprends le lobby LGBT et surtout oui, mais tu comprends Soros. Bon, bah, les youpins. Donc, on a bien compris que c'est le Likoud. Tu es trop vague, cher Gandalf. C'est le Likoud. Tu demandes le numéro de téléphone de Gilles William Goldnadel. Hein. Entre autres, mais attention, c'est pas le seul intervenant dans toutes ces histoires-là. Oui, mais pourquoi pas? Mais il y aura Bib, il y a. On peut tout imaginer. Ce qui est sûr, c'est que c'est le Likoud. Voilà, le Likoud a dit non, là, non. Voilà, bon, et elle s'exécute. Imaginez ce que ça donne. C'est-à-dire qu'elle n'est rien et s'exécute déjà. Mais qu'est-ce que ça serait si elle avait des responsabilités? Bon. Donc voilà, bon, tout ça était pitoyable, mais il fallait y revenir. Il fallait y revenir, non pas parce qu'elle a été plus opportuniste qu'avant, plus allumeuse qu'avant, non. Parce que là, la base de son soi-disant message conservateur, bon, on en a parlé de toute façon dans des émissions antérieures, donc ça ne sert à rien d'y revenir, mais la base sur laquelle elle articulait son message, elle l'a renié au premier froncement de sourcils des rabbins qui contrôlent la France. Ouais. Terminé, au revoir. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Marie Maréchal était connue pour être très populaire auprès des catholiques oui. de la tradition. Hein. Dès que les juifs ont dit oui, quand même, c'est Jean. Êtes-vous bien des sûr discours, hein. Hop, elle les a ghostées. Ça foutu à la poubelle, oui, non, mais vous n'existez pas. Non, mais en plus, je crois qu'il y a un truc qui est encore pire. Je m'y attends. Puis ensuite, on passe à la rubrique suivante. Il y a un truc qui est vraiment extrêmement insultant, c'est qu'elle n'a même pas eu le courage de leur dire en face et par communiqué officiel la raison de son refus. Ouais, elle a fait dire par des sbires. Oui, mais vous comprenez. Elle a peut-être autre chose, mais c'est pas encore tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a pas eu le courage. De le dire. Ça a été. Bah non, je viens pas. C'est trop radical. Ça a été les journaux de la droite hébraïque qui ont rapporté ça en fait. Hein. Ouais. Ouais, y a eu un entrefilet, voilà. Voilà, oui. Le cercle élargi ne souhaite pas que Marion vienne s'accoquiner avec des gens qui sont adeptes de la théorie du complot. Infréquentable. Infréquentable. George Soros qui voudrait. Pourquoi il y a un nom qui me revient là, comment dire, Bastier, ça revient comme ça. Ouais. Figaro. Adonai, Figaro. Moi c'est Adonai qui me revient, moi. Bah, bizarre. Bon, y avait quoi. Il y a Ochoa. Ouais. Qui d'autre là-dessus avant qu'on passe à la rubrique suivante? Non. D'accord. Bon, bah, vous allez voir que en fait, on quitte pas du tout l'univers culturel dont il est question. Rubrique numéro 5, les sales juifs de la semaine. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur notre rubrique. On reste dans le cercle élargi. En fait. Oui, dans le cercle élargi, tout à fait. Voilà. The Times of Israel. Alors, je lis, parce que si vous voulez, si je me mets à commenter avant de lire, ça va pas bien fonctionner. Mais je vous assure que c'est très très juif. Le groupe Rabbinical Council of America, le RCA orthodoxe, a déclaré condamner l'explosion récente de rhétorique raciste au plus haut niveau du gouvernement. Une référence apparente à l'appel lancé par le président américain Donald Trump à 4 membres démocrates du Congrès à retourner dans des pays non spécifiés, bon, leur pays d'origine. Généralement, le communiqué émis jeudi par l'organisation a également fait allusion à des propos tenus par deux des députés incriminés par Trump, Rachida Tlaib du Michigan et Ilhan Omar du Minnesota, qui ont laissé entendre que les défenseurs d'Israël aux États-Unis se prêtaient à une double allégeance. Omar s'est excusé pour certaines de ses déclarations controversées, mais pas pour toutes. Les deux autres cibles de la fureur de Trump étaient la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, et la représentante Ayanna Pressley du Massachusetts. Qu'il s'agisse de déclarations mettant en doute la loyauté des Juifs américains quand la sûreté et la sécurité d'Israël sont en jeu, ou de rassemblements demandant à des descendants d'immigrants de retourner dans des pays qu'ils n'ont jamais connus, nous considérons ces paroles comme dangereuses pour les valeurs qui sont au cœur de notre foi et pour les fondations de la société américaine, a dit le communiqué. Le ton dur adopté par le communiqué est inhabituel pour une instance représentant un segment de la communauté qui a pu approuver Trump pour l'alignement de ses politiques sur celles du gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahou, avec notamment le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Les groupes juifs centristes et de gauche ont également critiqué Trump pour ses attaques contre le Quatuor, le manque de discours civil, les chants racistes et xénophobes dans les rassemblements politiques et la recrudescence de groupes de haine marginaux exigent tous que nous prenions position pour la bonté et le respect, a précisé le vice-président du RCA, le rabbin Binyamin Blau, dans un communiqué. Alors, Trump, qui a fait le plus qu'un président américain ait jamais pu faire pour l'État d'Israël, est une ordure. Raciste. Sale goy. C'est une ordure raciste. Mais, tiens à préciser, le rabbinat orthodoxe américain, certes, il a attaqué ignoblement ces quatre femmes de couleur, dont deux musulmanes, mais elles ne sont pas totalement exemptes de grief. Elles ont laissé entendre, cette énormité d'ailleurs, que les juifs auraient en fait une allégeance secrète pour l'État d'Israël et non pas pour les États-Unis d'Amérique quand les deux pays entrent en conflit sur tel ou tel sujet, ce qui aurait été une proposition complètement délirante. Alors, donc, l'autorité morale suprême des États-Unis, qu'est le rabbinat orthodoxe, a tranché. Le président en fonction, le plus pro-israélien de l'histoire, est une ordure. Et les femmes marrons sont quand même moins des ordures, parce qu'elles sont antisionistes, mais quand même, on les garde à l'œil, vigilance oblige. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces rabbins orthodoxes, donc le cercle élargi de Marion Marège. Rappelons pour nos auditeurs que Donald Trump a fait en sorte que la capitale de, enfin oui, l'ambassade des États-Unis en Israël soit à Jérusalem, hein, Jérusalem oui, reconnue comme étant la capitale d'Israël, hein, oui. Et non plus comme une ville. Enfin, non, et non plus Tel Aviv, tandis que oui, Tel Aviv, Jérusalem avait une espèce de statut de ville ouverte internationale, de facto sous administration israélienne. Quoi. Voilà, exactement. Donc Trump a dit non, mais là, voilà, Jérusalem, capitale d'Israël. Le Golan, n'oublie pas le Golan, annexion du Golan reconnue. Oui, avec une ville d'ailleurs qui était, je crois... Non, au départ, on a parlé d'une petite commune d'implantation de colons, et en fait, non, c'est... Une rue, c'est... peut-être. Une rue. Ouais. Non, c'est genre une impasse. Borne. Une impasse. Non, une borne. Mais c'est cher. Voilà. La générosité. Voilà. Alors, il faut savoir que sous le Golan, il y a quand même des réserves supposées énergétiques, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a encore fait Oui, le combat contre l'antisémitisme, ça c'est la règle. Hein, donc, Pas mal de choses, écoute, ouais, des positions contre l'antisémitisme un petit peu partout, à droite à gauche. Ouais. Une fille mariée avec un neutron qui d'ailleurs. Il faut savoir que. Jared Kushner. Jared Kushner, donc, qui est marié à Ivanka Trump. Rien à voir avec Bernard Kushner, si ce n'est le fait qu'ils sont juifs tous les deux. Oui, rien à voir, peut-être quelques organes en commun, je sais pas. En tant que donateur ou bien... Voilà, quand Bibi Netanyahou venait aux États-Unis, pardon, ouais. Pour faire ses... En visite, ouais. Pour visiter de manière tout à fait innocente, il allait dormir chez la famille Kushner, hein, de la, donc du gendre de Donald Trump. Ouais. Et puisque il dormait, mais c'est l'anecdote. Il dormait, oui, puisque Jared Kushner n'était pas là, puisqu'il était, il faisait ses études, oui, il était parti. Il dormait dans le lit de Jared Kushner. C'est ça. Voilà. Qu'on donc, pose bon. Les bases quand même. Hein, voilà, donc l'Amérique est un pays indépendant. Voilà, de notre béton antisémite forcené. C'est quand même un sale raciste. Et les rabbins, qui sont des gens extrêmement généreux, des gens extrêmement la spiritualité débordante, voilà, savent le remercier. Cœur sur la main. Ils savent, ces gens savent remercier. Ouais. Ils savent le dollar dire du rabbi. Voilà, le dollar du. Ces gens-là savent dire merci. Ça veut dire merci. Donc quand tu les aides, bah, ils te remercient en te pissant dessus. Hein oui, mais attention. Tout en ayant la syphilis. Parce que voilà. Quand oui, même, d'accord. Hein. Oui, oui. C'est quand même une bénédiction que l'humanité oui, fait oui, au bétail. Oui, hein. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, ne l'oublions pas. Non, parce que les gens ignorent un point important de la spiritualité orthodoxe. C'est que les âmes ne sont pas les mêmes. Déjà, oui. Non, mais les gens ne savent pas ça. C'est un point fondamental de l'enseignement. Oui, déjà, les gens sont des goïms, déjà. Donc c'est ça, tout à fait. Déjà, c'est oui. De la merde. Hein. Voilà, mais les gens doivent savoir que dans l'enseignement Lubavitch, l'âme des goïms n'est pas l'âme juive. L'âme juive est spéciale, elle est supérieure. Et voilà, et donc bon, oui, donc voilà, l'occupant de la maison, donc l'animal. L'intendant, Oui, non, mais l'intendant de sa vie, oui. Oui, limité les par définition. Ils sont là pour servir le peuple élu. Tout à fait. Mais bien sûr. Et douter de cela, c'est être un petit peu. Ah, c'est antisémite. C'est antisémite. Donc voilà, donc Trump est une ordure, ça c'est une ordure de raciste, pardonnez-moi. Et je suis très content, moi, de voir les rabbins orthodoxes. Alors en plus, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être des orthodoxes un peu spéciaux de gauche. Ah non, non, non, là c'est l'extrême droite religieuse juive, hein, c'est tout ce qui est de plus dur. Et c'est des gens, en fait, ils sont tellement bienveillants à l'égard de la race blanche que quand vous avez un président américain en fonction, dont la fille est maquée, comme on l'a dit, je veux dire, à lui-même un orthodoxe, parce que Kushner est orthodoxe. Il essaie juste de critiquer une nana, enfin quatre nanas, mais dont deux musulmanes, une palestinienne, Rachida Tlaib, elle est d'origine palestinienne. Hein. J'aime autant vous dire qu'on la trouve dans toutes les organisations anti-sionistes, pro-palestiniennes, etc. Hein. Et Ilhan Omar, qui a fait comprendre que c'était l'EPAC, donc le lobby pro-israélien qui menait le bal sur la scène politique américaine, donc qui n'a pas fait mystère de son antisionisme, c'est au secours de ces deux femelles-là qu'interviennent les rabbins orthodoxes de l'extrême droite religieuse pour enfoncer la tête de Trump. Il faut bien que vous compreniez à qui on a affaire. Moi, je trouve que c'est une très belle leçon pour Trump. Oui. Ça lui apprendra à vouloir courtiser cette engeance. Vous n'avez... Comme on dit en anglais, with the Jews, you lose. Il n'y a jamais rien à gagner. Il y a eu effectivement une campagne pour les élections sénatoriales américaines d'un candidat dont j'ai oublié le nom. Peut-être Nealon, peut-être ? Non, je pense que l'auditeur pourra nous rappeler le nom. Oui, with Jews, you lose, effectivement. Hein, c'est, with the Jews, you lose. Avec les Juifs, tu perds. Hein, voilà. Rappelons que, enfin, bon, à propos de ces femmes marrons là, qui font chier Trump, il y a une journaliste canado-somalienne, c'est très déjà le truc, bon, c'est improbable, qui s'est rendue cette semaine en Somalie, pour dire. Oui, oui, non, oui, d'accord. Oui, oui, la Somalie, c'est un beau pays, tout va bien. C'est pas. Oui, pour démonter en fait la rhétorique de Trump, pour dire voilà, oui, non, la Somalie, dire, c'est pas les pays de merde que Trump décrit, etc. Voilà. Donc elle est partie là-bas quelques jours, elle a fait ses vidéos, et puis elle s'est fait flinguer, voilà. Hein par des terroristes, hein, quoi. Ça fait flinguer par des gens, locaux. Oui, oui, oui. Hein, ça, voilà. Oui. C'est curieux. C'est... Nous arrivons dans une situation qui est très clownesque. Hein, Oui, je crois que. C'est le cirque. C'est le cirque. Oui, c'est le oui. On peut le dire. Alors, j'ai vu que ça n'a pas nuit à Trump. Hein. Non, au contraire. Oui, ils sont. Il a même été conforté par son électorat, sa popularité a grimpé, je crois, de plusieurs points, 5 même, quand même pas mal. Et il y a l'immonde espèce de carteron ou d'octavon François Durper qu'on voit partout, qui a remplacé la Nicole Baccarat au titre de spécialiste des États-Unis. Sur BFM. Voilà, alors je crois que ce type, son boulot, en plus d'historien officiel, Son boulot officiel, c'est d'être carteron. Hein. Oui, c'est ça. Je crois qu'il doit enseigner au CPE, je crois, dans je ne sais quel SP. Alors imaginez-vous, voilà quoi, il va former les types qui vont gérer les petits négrillons dans nos collèges. Formidable. Enfin, plutôt des gonzesses, hein, les CPE, je crois que c'est. Enfin, les surveillantes générales, comme on appelait ça à une époque, c'est pratiquement que des gonzesses. Et ce type était horrifié parce que effectivement, Trump a été conforté par son électorat. Et en plus de ça, il s'était rendu compte en croisant les statistiques que des gens dans l'électorat républicain trouvaient qu'effectivement Trump était raciste et qu'il n'y en tenait pas rigueur. Donc soit ils trouvaient que c'était bien, soit ils trouvaient que bon après. Soit ils s'en foutaient. Il est raciste, mais s'il fait le boulot, pourquoi pas. Alors, il était horrifié. Mais vraiment, le type était décomposé. Oh, quoi, c'est un peu notre ligne politique. Hein. C'est un peu notre ligne. Hein. C'est ça, le premier président qui est ouvertement raciste. Mais de l'autre côté, t'as quand même un antiracisme et une haine du blanc. On en a parlé la semaine dernière avec, ce qui s'était passé à Evergreen, hein, l'université en Californie, où t'as un antiracisme qui est totalement déglingué. Ouais. Qui est anti-blanc, anti-mâle blanc, qui pousse à son paroxysme, qui confine à la haine de soi, c'est tout à fait normal que des gens sensés, raisonnables, s'en inquiètent et jugent que finalement le racisme c'est mieux. Et c'est une réalité, le racisme c'est quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, c'est pas le problème. Enfin, oui. Le problème, le racisme existe. Simplement, il y en a un qui est interdit, c'est le racisme des blancs. Mais. Les racismes des gens de couleur est non seulement toléré, mais il est encouragé et même sursubventionné, pardonnez-moi. Et on le voit aussi bien aux États-Unis qu'en France. On les voit, ils bavent sur le compte des Blancs, les Blancs sont toujours coupables de tout, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. Et là, en fait, avec Trump, ce qui est intéressant, parce que c'est quand même le président des États-Unis, il envoie des signaux. Alors bien évidemment, c'est de l'opportunisme politique, faut pas se leurrer, hein. Il essaye aussi, parce qu'il a été habile dans son calcul, quand il a attaqué les 4 bonnes femmes, il a choisi l'aile la plus radicale du Parti démocrate, donc ce qui est l'équivalent en fait du principal parti de gauche américain. Si vous voulez, le système est différent. On va dire il y a deux grands partis, puis il y a les indépendants, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de parti. Et donc le grand parti de gauche, c'est le Parti démocrate, mais au Parti démocrate, vous avez de tout. C'est-à-dire que vous avez des gens qu'on trouverait chez nous, comme Macron, comme Pécresse, ouais. Vous voyez, enfin des gens comme ça, jusqu'à des gens vraiment extrémistes, dont les 4 bonnes femmes. Et là, vous avez des nanas comme Ilhan Omar, qui est une musulmane voilée, proche des frères somalienne, musulmans. Somalienne. Hein. Et somalienne, dont on sait en plus que parmi tous les gens basanés, les Somaliens sont parmi les pires. Quoi. Là, par exemple, l'attentat du 11 septembre, Ilhan Omar, elle a dit « Ouais, il y a des gens qui ont fait des trucs ». Alors, aux États-Unis, parler comme ça de l'attentat du 11 septembre, ça choque profondément les gens. Surtout quand elle a un turban islamique sur la tête, vous comprenez? Donc après, les républicains, ils ont beau jeu de dire, ah bah vous avez vu, hein, ouais, les musulmans, quand même, faut quand même s'en méfier. Donc, Trump, il a attaqué celle-là, il a attaqué Ocasio-Cortez aussi, qui est c'est une ancienne serveuse qui s'est fait élire totalement par accident dans une élection législative locale, mais en fait, il y avait un vieux de la vieille qui se représentait pour la énième fois, les métèques du secteur où il n'y avait que des hispaniques, parce que je crois que son district dans la région de New York, c'est aux 2/3 hispanique, je ne sais pas si vous imaginez, ont viré le vieux de la vieille, et ils ont mis Cortez. Mais Cortez, elle est bête comme un cheval, je veux dire. Même un cheval est plus intelligent que Cortez. Alors ces théories économiques sont complètement délirantes, elle fait des sorties à coucher dehors, tout ça pour dire que quoi? Que ce sont des femmes, déjà, issues de l'immigration, c'est pour le moins évident, avec une composante islamique, très forte, et même islamiste, et hispanique. Donc là, on voit le vote racial de plus en plus clairement émerger au sein du Parti démocrate, et surtout à l'aile gauche du Parti démocrate. Donc le changement démographique est en cours avec l'impact politique. Et Trump, très habilement, a attaqué ces gonzesses en leur disant « Bah, t'as vu, elles sont toujours en train de cracher dans la soupe, qu'elles retournent dans leur pays pour nous montrer comment elles vont réparer ces pays où il n'y a même pas de gouvernement, et ensuite qu'elles reviennent nous voir. » Et là, tout le monde est d'accord avec Trump, grosso modo dans la classe moyenne blanche, mais ça fait monter la sauce avec les médias, la gauche radicale, les minorités, et tout le parti, toute l'aile modérée, parce que là, il y a des primaires au sein du Parti démocrate pour désigner le futur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Je suis obligé de l'expliquer pour... Ouais, des mecs comme Biden, qui était le vice-président d'Obama. D'Obama. Donc, l'archi-favori, quoi. Ouais, voilà, des démocrates, on va dire, bon... Très, très... Des beaux loups, hein. Quoi. Hein, des, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Bon, ces mecs-là, ils se font mettre en minorité, ils se font marginaliser, en fait. C'est ça, voilà. Donc, par Trump, la surexposition médiatique de ces nanas marrons, donc par Trump, en fait. Hein. Ils se font baiser, voilà, la gueule. Et il y a lui et il y a Pelosi. Pelosi qui dirige le groupe, en fait, démocrate au Congrès, donc au Parlement. Et elle était... Elle a conscience, en fait, que les grands donateurs, donc les grandes fortunes qui financent les élections présidentielles américaines, elle a conscience que avec des clientes comme Ocasio-Cortez, qui propose ni plus ni moins que le marxisme à la sauce du Venezuela, ou des islamistes comme Omar, alors ça excite totalement les nègres et toutes les minorités raciales, sauf que les gros donateurs, ceux qui ont du gros pognon, ils veulent pas voir des gens comme ça au pouvoir. Or, Trump, grâce à l'antiracisme pathologique, en fait, de la presse juive, en fait, hein, et de l'activisme racial qui a cours actuellement, et puis vraiment la haine du blanc aux États-Unis, qui existe sur les campus ailleurs, Trump a cyniquement et intelligemment poussé dans les cordes les modérés en les forçant à soutenir l'aile la plus radicale du parti. Et voilà. Et maintenant, les modérés comme Biden passent pour des glands mous qui pourront jamais aller aussi loin que les nanas en question. Et en fait, on s'achemine, hein, je pense qu'on s'achemine progressivement vers une scission à l'intérieur du Parti démocrate. Parce que les grandes fortunes qui financent le Parti démocrate, notamment des gens comme Soros, ils veulent quand même gagner des élections sur des programmes qui soient un tant soit peu crédibles vis-à-vis de l'électorat. Faut quand même que les gens y votent pour eux. Alors c'est marrant parce que Trump a retweeté, à l'instant même où on parle, un tweet disant que ces gonzesses étaient effectivement absolument des calamités et qu'elles détruisaient le Parti démocrate. C'est assez voilà. Marrant. Et donc il en joue, il le sait, il s'en cache pas, mais comme il utilise la corde raciale, par réflexe, c'est tellement ancré, je veux dire, la haine anti-blanche dans les médias et à gauche, qu'en victimisant ces quatre connasses, les autres n'ont pas le choix que de se porter à leur secours. Vous comprenez ? Donc de leur donner la parole en réplique, parce qu'à chaque fois qu'ils les insultent, on leur tend un micro. Qu'est-ce qu'elles font? Elles disent « oui, bah, c'est un raciste, c'est un machin, le cinéma n'en sort jamais ». Et à côté de ça, bah, Biden, il n'existe plus, la primaire américaine, elle n'existe plus, parce que vous avez des paumés, parce qu'il faut voir les candidats, parce que ces quatre nanas ne sont pas candidats aux primaires. Elles ne se présentent pas du tout aux primaires pour les présidentielles. Donc il est en train de faire ombrage aux primaires pour le parti démocrate. Parce que dans tous les candidats passent totalement au second rang, quoi. C'est très habilement joué, et ça montre que Trump a, alors à défaut de mener une bonne politique, a au moins compris les mécanismes raciaux qui s'imposent de plus en plus dans la politique américaine, quoi. D'ailleurs, ce que n'a pas voulu voir tout à l'heure, je parlais de Durper, il y a une stat qui est importante. Alors, tout à l'heure, je peux parler des gens qui reconnaissaient que Trump était raciste, mais qui soit approuvaient sa position, soit lui en tenaient par rigueur, c'est 7%. Ça reste quand même marginal, mais c'est important. Et il y a un tiers des électeurs démocrates qui considèrent un homme politique blanc ne peut pas critiquer un homme politique qui n'est pas blanc. Ça s'appelle du racisme. Bah. C'est ni plus ni moins. Oui, et puis surtout, ça fige les lignes politiques, parce que ça veut dire que tu peux plus critiquer ton adversaire à partir du moment où il est d'une autre race. Donc ça fige le débat politique sur la question raciale. C'est ça, totalement. Ni plus ni moins. Et cet abruti de Durpère qui enseigne l'antiracisme au cadre de l'éducation nationale n'est pas capable de voir ça. C'est quand même assez. Ouais, c'est pas quelqu'un qui respire vraiment l'intelligence, faut le dire. Oui, c'est pas quelqu'un qui fait de la science, tu vois, c'est quelqu'un qui fait de la propagande. Enfin, excuse-moi, madame. Oui, non, mais il est historien, mes couilles, déjà. Et puis, de deux, le type fait des espèces de réunions de sapologues subventionnés. Excuse-moi, c'est une réalité. François Durpère fait des réunions de sapologie. Quand tu vas te graver des losanges sur la tête, c'est pitoyable. Le type se prend pour un supranègre. Quoi. Le type se prend pour un pilote de pyramide. De pyramide spatiale. Non, mais c'est. Il n'y a que la France qui peut inventer ce genre de truc, quand même. Non, mais ne pas identifier les deux choses qui sont parallèles, c'est quand même. Il faut quand même être une sacrée cruche, effectivement. Oui, un nègre, hein, en fait. Hein. Alors, messieurs, on a fait un petit tour donc par le rabbinat américain qui a dit ce qu'on en a dit. Avant de nous séparer, je vous propose de revenir sur un point important qui est quand même la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle participait la France, de facto. La CAF. La CAN, la CAF. On en perd un peu son arabe littéraire. Non, mais la Fédération de football africaine s'appelle la Confédération africaine de football, c'est la CAF. Ah, autant pour moi. Ah oui, non, mais tu n'es pas au courant, et je t'informe. Bah écoute, en même temps, je ne suis pas cardinal de l'église de Négro-Afrique. Oui, mais tu devrais... Non, mais je ne demande qu'à apprendre. Il y a des évêchés à pourvoir. À pourvoir, n'est-ce pas? Je peux... Nous pouvons distribuer à notre qualité de cardinal, hein, loué sur l'éternel, des postes, ma foi, pour évangéliser le monde. Mais et qui ordonne les évêques? C'est toi, cher Derry? C'est une révélation mystique. Il y avait Michel Platini à l'époque, hein, qui était très... mais bon, malheureusement, ma foi, écoute... Ce grand serviteur de Dieu a été... Bah de toute façon, un peu Fernandez ou ces mecs-là sont des grands négrolâtres. Hein. Oui, non, mais ça c'est assez faible. Michel. Oui, oui. Michel était. Chirac. Oh. Ah, quand même. Chirac, le musée des arts. Des c'est quand même énorme. Trois bouts de bois qui se battent en duel, c'est pas mal. Hein. Non, mais Michel. Ouais, d'ailleurs, ils veulent récupérer toute leur merde. Le fait que notre ami Michel était pris la menace dans de confiture était un coup dur. On est avec toi, Platoche. Alors, messieurs, Coupe d'Afrique des Nations, la France a vécu. On a dit ça, hein, on a dit à mesure que la France se repeuple, hein, puisque ils reviennent repeupler la France, comme dit Blagodariov dans une de ses. Très belle chanson. J'invite Blagodariov d'ailleurs à mettre ses chansons sur BeatChute ou BeatTube. Hein, elles sont pour une bonne partie sur Rutube, hein, depuis plusieurs années. Rutube, d'accord. Oui, d'accord. Blagodariov fut un précurseur dans le genre. D'accord. Donc il y avait une de ces chansons qui disait puisque tu viens repeupler la France. Est-ce que tu viens peupler la France ? Voilà. Eh bien, la réponse est oui. Oui, ils reviennent repeupler la France. La France, donc, comme disait MacDav, au gré des crises du continent africain et du Moyen-Orient, est traversée de soubresauts. Y aurait-il un lien de cause à effet entre le fait de se faire repeupler de nègres et d'arabes et le fait de vivre au rythme des pays nègres et arabes? Je vous pose la question, la réponse vous appartient. Mais nous avons des éléments pour alimenter ce débat. Donc, vous avez vu que l'Algérie a gagné le match contre le Sénégal. Dans le cadre de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Afrique des Nations, qui se déroulait en Égypte. Le but en lui-même est quand même assez merdique, il faut bien le dire. Pas vu. Bon, accidentel, bref. Merde. Alors, est-ce que vous avez d'abord, tout simplement, est-ce que vous avez apprécié les manifestations de patriotisme? Ah oui, je sais qu'il y a des... Alors, attendez, moi je vais vous en mettre un exemple. Sinon, on s'entendra pas. Il y a un supporter algérien qui s'adresse à Marine Le Pen. On l'écoute et on se retrouve. Ça fait plaisir. Marine, on est là, ma gueule. On a fait plus vite que les Allemands, on a pris Paris en 3 heures. Les Allemands, ils l'ont pris en 24 heures en 1940. Et nous, on est là, on n'a rien cassé, Marine. Frère Norman, tahia Jazair. Tahia Jazair. Wa toutri, viva l'Algérie. Merci. C'est le zou. C'est le zou. Nique la France. Nique la France. Vive l'Algérie. Alors, Nardinamok. Oui. Nardinamok, Marine. Nardinamok, nous avons envahi, conquis la France en 3 heures. Ah oui, non, ça c'est... Attends, là, faisons écouter ce morceau-là aussi, effectivement. Autant être complet. Donc, effectivement, il y a un Algérien qui explique la France, elle a colonisé l'Algérie, et maintenant c'est l'Algérie qui colonise la France. On écoute ce moment et on se retrouve. La France, ils nous ont colonisés. Aujourd'hui, c'est nous, on les colonise. Regarde le micro. Giroud, t'es au boule. Vous êtes fiers, du coup. On est très fiers. One, two, three. Alors, messieurs, donc ferveur populaire, victoire patriotique énorme dans toute l'île de France, hein, un peu partout, célébration, etc. Somme toute, oui, parce que je le précise, ces gens-là, non, ne sont pas des Algériens. Ce sont des Français. Français. D'origine algérienne, c'est une nuance. Des Français qui ont des sensibilités différentes et variées. Un sondage de l'IFOP, permettez-moi de le dire, un sondage de l'IFOP dit que 40% des Français trouvent qu'il est normal que les personnes d'origine algérienne célèbrent la victoire de leur équipe. Bon, bah oui. Finalement, tout va bien. Oui. Bon, sur les 40%, il y a peut-être 10% d'Algériens d'ailleurs. Bon. Je pense qu'il y a quand même quelques boomers à exterminer là-dedans. C'est vrai aussi. Bon. Alors, messieurs, je fais le tour de table et je vous pose la question. Qu'est-ce que vous inspire toutes ces scènes de franche francophilie? Perso, j'ai bien envie de parler... Bon, déjà, j'ai envie de parler de la demi-finale. Algérie-Nigeria. Oui. Donc là, Paris était foutu. Hein. Je veux dire, là, les médias, ils n'ont pas pu cacher quoi que ce soit. C'était le gros bordel partout. Les flics avaient l'air un petit peu dépassés, mais bon... pour la finale, ils se sont dit bon, si l'Algérie perd, ça va être le bordel, et si l'Algérie gagne, pareil. Donc ils ont mis un peu plus de moyens, mais c'était quand même le bordel, hein, parce que bon, bah, c'est des Algériens. Et là, moi, j'étais frappé par une chose, c'est le silence, des médias qui titraient des trucs pas possibles. Hein. Oui, finalement, ambiance bon enfant, s'est déroulé dans le calme. Mais le problème, c'est, on a déjà parlé dans l'émission, hein, c'est qu'en fait, le journaliste, qui est un menteur pathologique, il devient de plus en plus has-been. C'est-à-dire que maintenant, il y a un truc qui s'appelle Internet. Et on ne peut plus camoufler comme ça ces choses-là. Oui. Donc les Algériens sont comportés comme des Algériens, ils ont tout pété, et puis voilà quoi. Ouais, et puis alors là, ils disent face caméra. Enfin, l'histoire de la colonisation, c'est revenu à plusieurs reprises. Enfin, il y a un moment, il y a des journalistes des grandes chaînes de BFM TV, etc., ils tendent des micros, ils disent ouais, on colonise, nique ta mère, toi. Je veux dire, ça, c'est des trucs. 5 fois. Bah, 5 fois. Ouais, bon, bah voilà. Ouais, c'est-à-dire que l'Algérien dit oui, les Allemands ont mis un jour pour envahir Paris, nous on a mis 3 heures. Hein. Bon, cela étant dit... Donc ça veut dire une chose, c'est-à-dire que ces gens-là se vivent et oui, se perçoivent comme des envahisseurs, je veux dire, il n'y a pas de doute. Quoi. Comment voudrais-tu qu'ils se perçoivent autrement Non, mais je veux dire, les médias français passent leur temps à bourrer le mou au public français, je veux dire, de race blanche dessous, je veux dire, mais non, mais ils sont français, ils ont un peu une sympathie pour leur pays, ils comprenaient bien, quand tu tends le micro... Les mecs se comparent aux Allemands qui conquièrent Paris. Oui. Clairement, les mecs se présentent comme des envahisseurs sans la moindre ambiguïté. Les médias français ont quand même une fâcheuse tendance à être juifs. Il est vrai. Ça peut effectivement impliquer quelques biais dans le dans la présentation, dans l'interprétation, dans l'interprétation des faits, hein, des faits. Ouais, moi je vois surtout les candoles serviles. Oh oui oui, non mais les candoles, excuse-moi, les candoles serviles, c'est très bien du côté de, du Figaro, n'est-ce pas? Mais il n'y a aucun candolisme du côté de BFM TV, hein, c'est du pieux, ça s'appelle le judaïsme, talmudique. Oui, oui, tout, c'était extrêmement orthodoxe, hein. BFM, voilà. Oui. Hein, on peut le dire. C'était orthodoxe. Orthodoxe. Bon, que peut-on dire de cette Bah, déjà, franchement, comment, alors l'ampleur du, alors, enfin déjà, ce qui est intéressant, c'est l'ampleur du phénomène. Bon, clairement, là, on a franchi un palier. Bon. Mais il y a déjà eu, enfin, on se rappelle quoi, Stade de France. Tous les Algériens qui envahissent, rappelez la pelouse du Stade de France, voilà. Etc. Là, bon, je suis quand même relativement déçu, si tu veux. Oui. De la part des Algériens, ça manque d'excrément quand même. Ça manque de. Ça manque d'Algérie. Bah, on sait pas tout, hein. Je veux dire, on sait pas tout, hein. On n'est pas. Oui, au enfin, tout, mais... oui. Bon, en général, quand ils font leur truc, si tu veux, ils aiment bien se filmer. C'est une race assez exhibitionniste, comme leur cousin, c'est. Ces mythes de, hein, de Palestine. Certainement. Bon. Bon, écoutez, moi en tout cas, je veux relever un point, mais je vous donne la parole. Mais grâce au live qu'il y avait. Par exemple, on m'a mentionné le cas du live du Média. Vous savez, oui, le Média de, non, non, de la France Insoumise, pas le Média pour tous de la Pierre. Ah, d'accord. Non, le Média de. Qui s'appelle le Média, ça s'appelle comme ça. C'est l'organe de propagande de la France Insoumise. D'accord ? Il faisait un live. Et il était présent sur leur chaîne. Vous pouvez aller voir, il n'y est plus. Et en fait, les types ont viré le live. Vous savez pourquoi ? Parce que ça n'était que ça. C'était « Ouais, on vous colonise, niquez vos mères, français de merde, etc. » C'était comme ça. Et donc, la France Insoumise, ils étaient obligés d'évacuer leur live parce que, c'est, bah, évidemment, toute leur narration sur... les vertus de nos amis maghrébins qui vont nous aider à mener la lutte contre le vilain patronat qui par ailleurs les a fait venir. Non. Donc ils ont purgé. On peut le trouver encore ce live. Peut-être que quelqu'un l'a téléchargé, mais il était présent sur leur chaîne. Je crois que c'était très dur à trouver. Ouais. Ouais, alors peut-être que depuis il y a des gens qui auraient su le récupérer, mais je sais qu'il n'était pas. Alors en tout cas, ce que j'ai remarqué, en plus donc des saillies de nos amis algériens, c'est vraiment la composition raciale quoi dans les grandes villes françaises et surtout à Paris sur les Champs-Élysées. Enfin, c'était vraiment beaucoup d'Algériens, mais aussi beaucoup de nègres, quelques blancs perdus, mais globalement beaucoup de nègres. C'est quand même effrayant, je veux dire, effrayant. Là, les gens, les Français, là, les glands, parce que c'est le reste de l'année, les gens sont... De toute façon, ils vont redevenir des poissons rouges, ils vont... Dans 3 jours, ils y pensent plus. Ils ont déjà oublié. Ouais. Ils ont déjà oublié, mais ils voient... Enfin, là, ils peuvent mesurer physiquement l'ampleur du remplacement de population. Là, ils peuvent voir, je veux dire. Mais oui, mais ça a été effectivement que dans quelques coins, parce que bon, moi... dans les grandes villes, je pense que c'est quand même très, très, très marqué. Écoute, moi, je suis dans une ville du sud. C'est assez... Pour le coup, j'ai eu l'occasion de remarquer que c'était assez préservé, puisque j'ai entendu aucun bruit, tu vois. Ah oui, donc il n'y a pas d'arabe par chez toi, c'est tout simple. Non, j'ai pas d'arabe. Je me suis rendu compte, avec stupeur, que je vivais en France. C'est impressionnant. T'es certain de vivre en France? Parce que moi, j'ai vécu en France également. Et moi, en fait, le but, c'était de rivaliser avec le 14 juillet. Mais façon horizontale, en fait. Ça a été marqué. Voilà, c'est-à-dire que chez Magda, à partir de 23h30, il y avait des feux d'artifice horizontaux. Horizontaux, et puis pas uniquement pour la finale. Hein. La finale, le demi, l'écart. Ouais. Non, alors, ouais, désolé les gars qui nous écoutaient, qui êtes dans la merde. Hein. Moi, ça va. Fulbert, vous avez une population maghrébine en Belgique. Est-ce que par hasard, ces gens-là se sont manifestés? Pas du tout. En fait, En Belgique, on a beaucoup de Marocains et de Turcs, très peu d'Algériens. Donc, voilà quoi. Tu as tout compris. Ah ouais, bizarre ça. D'accord, parce que nous, ils étaient bien fiers de présenter Maghreb United. Ouais, avec, c'est quand même les Algériens. Maghreb United, ouais. Mes couilles. Voilà. Il y a quelques années, il y a eu probablement donc, un match avec le Maroc. Bon, je ne sais plus lequel, je ne me souviens plus. Et il y avait eu quelques gars qui ont voulu un petit peu fêter. Je ne sais plus s'ils avaient gagné ou non, mais ils avaient voulu fêter ça. Et ça a été réprimé. Donc je pense que maintenant, c'est un petit peu bien compris. Je suppose. D'accord. Alors... Oui, alors il faut quand même voir le verre un peu plein. Enfin, la goutte d'eau qui est dans le vase. Ah. La ferveur nationaliste est permise en France. À partir oui. du moment où elle n'est pas française. C'est tout. À partir du oui, moment oui, c'est... où elle est colorée. C'est... Oui, parce que finalement, les manifestations algériennes étaient somme toute... Enfin, je veux dire, les... quand on voyait les Algériens, c'était quand même assez homogène ethniquement, en fait. Enfin, le nationalisme algérien est assez homogène, je veux dire. J'ai constaté ça, quoi. Il y a... dans les rues, il y avait beaucoup de nègres, mais les supporters avec des drapeaux algériens étaient tous de la même race. Je l'ai... Donc c'est très très bien. J'ai vu aussi, alors dirigeons-nous un petit peu vers la Normandie, si vous le voulez bien. À Évreux, la toute nouvelle statue du général de Gaulle a été dessoudée par des supporters à la bagnole. Hein. Ils ont carrément... ils sont pas fait chier. Les supporters français. Alors, faut-il oui, le préciser. Oui, oui, oui. Je vous ai compris. Je vous ai. Alors, faut voir. C'est dommage. Je peux pas. Évidemment, par radio, on peut pas transmettre ça. Mais faut voir le truc parce que c'est presque poétique. Donc en fait, le général de Gaulle, il est en vrac sur le sol. Vous voyez les grandes guiboles, vraiment en vrac quoi. Il est foutu sur un coin de la place, donc il est vraiment il est laissé pour là pour comme un rebut quoi. Et ils ont même cramé des trucs sur son entrejambe. Donc là où se situe évidemment chez un homme les attributs. Génito, vous avez bien compris. Et ils ont essayé d'incendier un truc, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de cramer, mais symboliquement, ils ont essayé de brûler les testicules du général de Gaulle. Bah c'est le sourire kabyle, c'est ça, hein, voilà. C'était un geste de torture que d'ailleurs les félagas pratiquaient autant sur... Enfin, c'est une vieille tradition bédouine, enfin bédouine ou kabyle... qui consiste à couper la bite et à la mettre dans la bouche. Voilà, alors il n'y a pas que les soldats français hein, qui ont connu ça, ils faisaient ça entre eux régulièrement. Ils doivent continuer d'ailleurs. Bien sûr, non, mais ils ont continué pendant la guerre civile. Hein. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait, oui, oh là, oui. Alors, sur place à Évreux, donc en Normandie, les autorités n'ont pas voulu trop commenter, j'ai lu l'article, vous savez, alors j'adore ça avec la presse locale parce que. Enfin, avec la presse tout court, mais la presse locale, c'est vraiment génial parce que vous savez, quand il y a un petit incident et on suspecte un raciste, vous savez, là, les journalistes, ils sont prolixes, quoi, tu vois, ils ont une plume qui s'envole, et alors là, l'emphase, et c'est parti, quoi. Ils donnent des noms, des adresses, tout ce que tu ouais, veux. Ouais, tout, voilà, évidemment, ils citent Adolf Hitler, enfin, tout y passe, quoi. Et puis les heures les plus sombres et tout, voilà. Et comment dire, et là. Il parle, vous savez, donc avec le, il y a la grande photo de la statue qui est en vrac, et l'article d'actu.fr, c'est, il parle genre d'un geste regrettable, vous voyez, d'un geste regrettable et condamnable, vous voyez, mais on voit que c'est tout en retenue, quoi, vous voyez, espèce de... et en fait, ça y est, c'est déjà oublié, et il disait, parce que l'article mettait surtout, insistait surtout sur un point, les services de la mairie se précipitent, pour remettre la place en ordre et pour remettre la statue là, tout rentre dans l'ordre, rentrez chez vous, il s'est rien passé. Je trouve ça fascinant parce que là il y a deux symboles qui se percutent. C'est le symbole bon du résistentialisme français, hein, de Gaulle, la France libre, blabla. On chasse l'occupant. Et donc c'est vraiment la figure vénérée de la République française, quoi. Hein. Bon, le symbole se fait exploser par des Algériens totalement défoncés au shit qui célèbrent la victoire de leur équipe nationale. Évidemment, ça a une très forte valeur symbolique. Et là, les médias, qui d'habitude sont si ronflants pour les commémorations, les trucs... Je vous rappelle qu'il y a encore un mois, on était en train de nous tanner avec le débarquement américain en Normandie, dans la même région. Hein. Alors là, vas-y que je te les vétérans, le truc, la défaite du nazisme, nos résistants, le commando Kiefer. Putain, le commando Kiefer, à chaque fois que j'ai un truc dessus, t'as l'impression que les mecs étaient 30 000 hommes sur les plages. T'avais 200 mecs, mais t'as l'impression que c'est je sais pas combien, quoi, tu vois. Bon, bref. On a changé le cours de la guerre. Bah, en tout cas, alors, bon, là, ça ronfle, quoi. Et un mois après, tu vois, les bougnoules du coin, ils éclatent. Bah, un des symboles de cette période-là, s'il en est. Ça fait à peine un article, et on nous explique que tout est rentré dans l'ordre, quoi. Bon, bah, donc, visiblement... J'ai connu des journalistes propre... Lorsque c'était les cimetières juifs qui étaient, par exemple, profanés, mais sont un peu plus vigoureux. Ouais. C'est ça. Ouais, oui. Non, mais enfin, la narration leur échappe quand même pour cette période de patriotisme festif. Enfin, bon, on l'a pas encore appelé, mais on va le faire, du coup. Les Algériens, dans leur grande démonstration de jovialité, en sont allés à trucider un nègre, quand même, hein, il faut le dire. Ah oui, hein. oui, voilà. Oh, oui. Voilà, précisons-le, ça se passait à Rouen. Oui, alors Rouen, petit passif, là, hein. Rappelons-nous des dernières semaines, Rouen, commissariat assiégé par des négros nuls qui hurlaient à la Wakbar, hein. Donc les types se sont cachés dans leur commissariat comme des rats. Hein. Comme des fiottes. Ça, c'est il y a 3 semaines. Comme des fiottes, c'est il y a 2 semaines. Oui. C'est là rendez-vous où amoureux. Tu... Rendez-vous voilà, amoureux. C'est où tu as eu un flic qui a... Bon, il y a un gars qui est arrivé pour témoigner pour une affaire de... Je sais pas trop quoi. De... Enfin bon, bref, une sorte de tapage nocturne, un truc comme ça. Et le flic est arrivé, il a commencé à lui palper les burnes et puis à se foutre à poil devant lui. Ouais. En croyant que c'était le... Son rencard. Le type qu'il avait commandé pour venir lui palper l'anus. Pour l'enculer, hein, ouais, c'est pour ça. Pour palper l'anus au commissariat. Voilà. Donc ça, c'était c'est il y a première semaine à la Wakbar, deuxième semaine PD... LGBT, voilà. Ouais. Voilà. Semaine numéro 3, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a ça, quoi. C'est quand même... Enfin, donc c'est un peu. C'est quand même beau, il ouais. y a quelque chose, il y a un égrégore hein, qui se passe à Rouen. Alors je vais vous donner tous les détails de l'affaire. Alors je lis l'article. C'est Guinée Matin qui a précisé ça parce qu'il y a eu un blackout. Donc ça s'est passé dans la soirée, dans la nuit de vendredi à samedi. Hein. La finale avait lieu vendredi. Et c'est la presse guinéenne qui en a fait état la première. Il y a eu un silence absolu de la situation observée par les autorités françaises. Un jeune Guinéen du nom de Mamoudou Barry est décédé de ses blessures ce samedi 20 juillet 2019 à Rouen en France. Il a été pris à partie par un groupe présenté comme étant des supporters algériens. Le drame est survenu en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football disputé au Caire en Égypte. Selon nos informations, Mamoudou Barry, âgé d'une trentaine d'années, a soutenu récemment une thèse de doctorat en fiscalité. Il a été pris pour un supporter sénégalais par une foule déchaînée de supporters algériens. Il a été battu à mort vendredi soir. Il a succombé à ses blessures le samedi aux environs de midi. Mamoudou Barry enseignait à l'université de Rouen depuis quelques années, membre du laboratoire de Centre universitaire rouennais d'études juridiques, se spécialise des questions fiscales, minières, douanières, pétrolières et gazières de l'Afrique francophone, était chercheur associé et consultant en droit. Notre source ajoute qu'il faisait partie de la toute première promotion LMD de droit de l'université générale Lansana, comté de Sonfonia. Mamoudou Barry était marié à une femme et père d'une fille. Alors, 20 minutes précise ceci. La police et le CHU n'ont voulu ni confirmer ni infirmer la mort du chercheur de 31 ans chargé d'enseigner à l'université de Rouen. L'affaire est très sensible. Le procureur et la police ont donné des instructions pour que l'affaire soit verrouillée à ce stade de l'enquête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je viens de perdre un ami qui était comme un frère. Un homme brillant, promis un bel avenir, a été lâchement tué, a indiqué un ressortissant guinéen. Donc voilà, là vous avez deux sources, et ensuite vous avez quelqu'un qui est un proche de la famille ou un cousin, on ne sait pas trop, qui s'exprime sur les réseaux sociaux et qui détaille un des faits suivants. Alors voici ce qu'il nous dit ce guinéen. L'Algérien en question donc interpelle le type qui était dans sa bagnole avec sa femme, donc le guinéen en question. Le sort, il y a une altercation, les voix montent. L'Algérien lui pète la nuque à coups de pied, après lui avoir dit « Vous les Noirs, on va vous exterminer. » D'accord ? « Vous les Noirs, on va vous exterminer. » Donc pour une fois qu'on a une agression à caractère racial public, hein, avérée par de nombreux témoins, silence radio ordonné par les autorités. Ça change, dites-moi. Comparé avec le traitement médiatique de l'affaire Adama Traoré, par exemple, pour ne citer que celle-là, ou de Théo et de sa matraque dans le cul, hein, qui est invité sur LCI, Radio Machin, etc. Ils sont partout. Là, vous avez une vraie affaire raciste, d'accord ? C'est pas mythomane, c'est qu'on ne sait pas, etc. Là, c'est une vraie affaire. Un Guinéen se fait buter par un Algérien qui dit qu'il va exterminer tous les nègres. Les associations antiracistes, à ce jour, hein, deux jours après les faits, silence. La grande presse, d'une timidité rare. Le gouvernement français, j'ai vu la communication de Castaner, il a dit, Castaner, attends, il dit, laisse la justice faire son travail. Oh, dis donc. La veille, il était en train de dégueuler sur Morano, qui avait fait un bon mot sur le fait que Sibeth Ndiaye était infoutu de se tenir droite et de parler comme une Française. Bref. Elle est dans des quais sur la République en danger face à l'extrême droite, Morano qui avait quitté l'arc républicain, qu'il fallait lutter contre le racisme, etc. Le lendemain, il y a un meurtre à caractère racial, il s'en tient au travail de la justice. C'est une drôle de pudeur, hein, soudainement. C'est curieux, ça. Étonnant, non ? Qu'est-ce que vous en dites, chers amis, de ce, à la fois du meurtre et de cette pudeur observée par les autorités françaises qui sont d'habitude si promptes à dénoncer le racisme dès qu'elles croient le deviner quelque part. Peut-être à ce que le ministre de l'Intérieur dissolve l'Algérie, peut-être. Ouais, moi j'ai cru lire dans des articles de presse, ma foi tout à fait mainstream, que des consignes avaient été données pour fermer sa gueule sur ce sujet. Bon, on a manifestement peur que l'intersectionnalité de droite fasse ses miracles. Hein, ses miracles, ah oui. C'est-à-dire que oui, hein, les nègres et les arabes se détestent. Hein, le gouvernement ne veut pas voir ça, enfin, même si, enfin, c'est pas qu'il veut pas le voir, il le voit très bien, mais il ne faudrait pas que la chose se répandre. Disons que je crois que le souci du gouvernement juif est de ne pas faire en sorte que l'attention et que la haine raciale se détournent des Blancs. Qui veut me parler un petit peu de ce meurtre commis par l'Algérien et de ses conséquences ? Pierrot ? Ouais, je note que bon, les assaillants ont essayé de reproduire manifestement une scène du film American History X. Donc, belle imitation. Ouais. Je note aussi que effectivement ces animosités sont assez régulières en fait entre ces deux communautés depuis finalement que les Algériens ont décidé de s'investir dans les Jeux Olympiques, notamment en faisant courir les nègres dans le Sahara probablement pour qu'ils remportent des médailles pour le marathon. Voilà. Non mais tout ça est très sympa. Moi je suis en train de regarder la réaction de la Ligue de défense noire africaine, qui semble très remonté. Donc là, on enregistre l'émission, les événements viennent de se passer, donc c'est un peu le début. Je pense qu'on en reparlera. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils disent, là ? Non, comme d'hab, hein, les cris de singe habituels, quoi. Mais ces gens-là, ils brassent quand même pas mal de monde et ça réagit, quoi. Les noirs, en fait, les nègres, oulala, dans les commentaires, sont assez agressifs. Ouais, il y aura rien, hein, comme d'habitude, avec ces gens-là. Bon, oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu vois des communiqués, etc., mais à aucun moment, parce que vous rappelez, c'est quand, rappelez qu'à la base, la Ligue de défense noire africaine, c'était un blanc parle mal à un noir, peut-être dans un magasin, les types font 300 km, ils arrivent, ils filment tout, ils font les orang-outans, etc. Là, oui. Pour le coup, pour une fois, je veux dire, pour une fois, ils tiennent un vrai meurtre motivé par l'appartenance raciale du gars, et les types font genre, oui, nous suivons l'évolution de la procédure judiciaire, tu vois, oui. Il va rien se passer. C'est-à-dire que les types vont pas aller faire les cadors dans les quartiers maghrébins de Rouen, tu vois. Non, ça va pas se passer, ça. C'est-à-dire que le nègre sait qui est son maître. Ton maître, voilà. Alors, pour les maghrébins, il se rappelle, si tu veux, que il y a une grande tradition d'esclavagisme en Afrique du Nord. Tout à fait. Et que si ce con de nègre ouvre trop sa gueule, il va finir avec les couilles coupées. ça lui arrivera, hein, con de nègre. Ça va t'arriver, tu vas te faire couper les couilles par des Arabes. Oui, mais non, mais tu fermes ta gueule, parce que t'es une fiotte. Allez, à la semaine prochaine, cher ami. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, les gars.